moi c'est mon boulot, donc je connais, historiquement, Kropotkin, et on lui rend à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Kropotkin, l'origine de l'entraide. Ben, c'est le premier qui a soulevé ce problème. Les arguments étaient faux, mais c'est lui qui a eu la première idée, dans ce sens, il a eu à partir d'idées qui étaient idéologiques, c'est-à-dire très sociales, et donc éthiques, mais il n'en reste pas moins que c'est lui qui l'a premier à donner le principe. On ne l'a pas pris au sérieux à l'époque parce qu'il n'avait pas les arguments. Actuellement, les arguments, bon, je l'ai rapidement expliqué, mais il faudrait, il y a des centaines de bouquins dessus, hein, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais actuellement, ça a été montré sur le plan génétique comment le système peut fonctionner. Allez, et pour entrer dans l'éthique, si vous avez soulevé ce problème, je crois qu'il y a un problème de fond que vous avez passé ici et qui est fondamental dans mon histoire, c'est que la science, évidemment qu'elle n'est pas éthique, puisque c'est la société qui doit être éthique. La science, ça n'a pas de morale. Hein. C'est-à-dire la science, c'est trouver la connaissance, c'est augmenter les connaissances. Il n'y a pas d'orientation. Mais la société, normalement, c'est à elle d'être éthique. C'est-à-dire que quand un chercheur est scientifique, moi par exemple, je vais chercher le maximum de choses. Je cherche à découvrir le maximum de choses sur le monde qui nous entoure et je m'en fous, si je me tiens simplement au rôle de scientifique, je m'en fous que ça provoque une bombe atomique ou un truc comme ça. Mais par contre, si je suis aussi citoyen, c'est-à-dire membre de la société, je dois limiter. Et les gens qui votent et qui orientent les gouvernements peuvent aussi orienter dans ce sens. Actuellement, il y a plein de scientifiques qui se posent des problèmes et on revient à mais non pas en tant que scientifique strict, en tant que citoyen. Actuellement, et la société, c'est à elle d'être morale et d'imposer un choix de société. C'est-à-dire que l'argent, puisque c'est actuellement la recherche marche sur l'argent, c'est-à-dire qu'il faut, on paye des gens, on paye des recherches, ou bien vous les placez sur la bombe atomique, ou bien vous les placez sur le bio-jardinage, ou ce que vous voulez. Et donc, ce n'est pas du tout la manière de gérer les choses. Et ça ne dépend pas du scientifique. Ça doit être géré par la société. C'est à la société, les pratiques. Bon. On pourrait parler pendant des heures. C'est intéressant ce qui avait été dit là. Mais il y a eu un malentendu sur la forme. Donc, Gilbert, je crois que vous voulez. Mais moi, je te mets à la tête. Alors, Jean-Charles, vous voulez. Oui, bon, moi, je serai bref parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je voulais dire. Au niveau des sciences dures, et ça c'est important, cette distinction, au niveau des sciences dures, il y a une méthode scientifique, il n'y en a pas deux. Il y a une méthode, une manière scientifique d'avoir des choses. Au niveau des sciences molles, là, sur le sujet de tout ça, il y a beaucoup de pipeaux. Voir faire Sokal et Guimont. Très bien. On reprend des thèmes. Je conseille à tout le monde de lire ce bouquin. Voilà. Hein, où on peut raconter n'importe quoi, où on reprend par exemple en disant Einstein a dit que c'était relatif, on dit que tout est relatif, on n'a rien là-dessus. Alors qu'Einstein n'a jamais dit ça, il n'a jamais appliqué dans ce sens-là. Pour moi, la science, c'est quelque chose d'amoral. Bien ni mal, c'est amoral. Et c'est à la société de donner une morale. Les gars qui ont fabriqué les gaz Midgard, c'était la même équipe qui était sur de la recherche pour faire des engrais. Einstein, vous voyez, c'est eux. Voilà. Donc, là-dessus, par contre, on fait souvent une critique en l'opposant en bien et mal, alors que même au niveau des écologistes. Par exemple, la critique que les écologistes font des OGM, souvent ils le font en disant c'est mal, au lieu de faire une critique objective en disant bon, ça correspond à ce que tu disais de trop recherche productive. L'attaque qu'ils font contre le nucléaire, c'est pareil. Ils ne font pas une analyse en disant voilà, ça coûte tant, c'est trop cher pour la chaleur. Souvent, c'est le mal. C'est le mal absolu. La manière de réagir. Pas toujours. Oui, oui. Très souvent. Sur les OGM, on a été raison. Sur le nucléaire, c'est plus vrai. Très souvent. D'accord. Très souvent, c'est une. Moi, j'avais travaillé avec eux quand ils devaient avoir une centrale nucléaire à Ponto, donc c'était au tout début. La manière dont ils abordaient ça, c'est qu'ils étaient contre le nucléaire comme d'autres sont contre l'avortement. Mais c'est grave parce que c'est pas une méthode scientifique de critique. Hein, c'est une critique morale. Et alors, dès l'instant, on peut la prendre et la traiter. Non, je suis d'accord. Alors, il y a Thierry qui avait demandé. Oui, je voudrais juste, si tous les gens dans la cité, ça c'est un petit point avant de ce que je veux dire, Rocker, Kropotkin, tout ça, les bibliothèques ici, ça vous intéresse. Je pense que c'est Thierry, Robin, Syrah, le Jourdain, la préhistoire et des trucs qui ont disparu. Il y en a plus pour longtemps, mais il y a encore des gens qui vivent dans des conditions de la préhistoire. Et donc ces gens-là, moi j'ai pu constater, d'ailleurs je le cite dans mon bouquin, mais j'ai pu constater qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'armée, etc. Donc en pratique, ce qu'a dit par exemple Pierre Chasse avant moi, dans la société d'État, vous avez ça? Ça date de 20 ans. C'est la société contre l'État, oui. Et d'ailleurs, qui a posé le problème anarchiste. Je vous conseille fortement la lecture de ce bouquin qui pose le problème de fond. C'est-à-dire qu'une société primitive, en fin de compte, n'a pas besoin d'État. L'État s'est rajouti ensuite. Enfin bon, passons. En tout cas, moi j'ai vécu avec les pygmées pour aller au plus le port. Bon, l'argument, c'était évidemment d'utiliser les pygmées comme pisteurs pour courir après les animaux, mais n'empêche qu'en même temps, ça ne m'empêchait pas, comme je fais de la philosophie le week-end, que je pouvais regarder les pygmées tout en travaillant. Et en effet, j'ai pu me rendre compte que la société et le sexisme n'existent pas aussi. C'est-à-dire que là, je viens de l'Inde où les femmes font les plus sales boulots, c'est pas le cas chez les pygmées. C'est vrai que les hommes font la chasse, mais les femmes font la cueillette. Et d'après les études ces dernières années, sur les sociétés dites primitives, c'est-à-dire les sociétés de chasseurs-cueilleurs, en réalité, ce n'est pas les hommes qui apportent le maximum de la bouffe, c'est les femmes. Parce qu'en réalité, elles font la pêche, la cueillette, et ça marche tout le temps. C'est pour ça que leur société, ils ne peuvent pas rester au même endroit, il faut qu'ils exploitent un territoire gigantesque. Et donc là, ça pose le problème de la question économique qui est à la base du marxisme, de l'anarchisme, de tout. C'est-à-dire que dans la mesure où la femme déjà apporte le plus pour que le mec bouffe tous les jours, c'est la femme qui le nourrit. Donc le bonhomme a besoin de la femme. Et donc il dépend entièrement de la femme. Par contre, il a une spécialité, comme il est plus agressif, il est meilleur chasseur, c'est lui qui chasse généralement. Moi j'ai jamais vu, et je crois pas que ce soit connu des sociétés où les femmes soient spécialistes de la chasse. Par contre, les hommes, quand ils arrivent à avoir de la viande, évidemment, c'est un supplément de protéines, c'est vachement intéressant, et donc le système s'équilibre. Et donc là, on a une égalité des sexes qui a une base économique. Donc il n'y a plus besoin de faire d'idéologie ou de faire des sociétés idéales, c'est déjà en pratique. Or, ces sociétés vont disparaître. Hein. Et on a les dernières traces, mais ça a été prouvé. Il y a des anthropologues qui ont suivi les sociétés de pygmées, etc., qui ont montré que les femmes apportaient plus de bouffe que les mecs. Mais néanmoins, ce qui était très important, c'est que les hommes apportent la viande. Et donc, même s'ils arrivent à attraper une bestiole tous les 4 jours, c'est très important sur le plan énergétique pour toute la collectivité. Et d'ailleurs, moi, quand je chassais avec les pygmées, ce que j'en raconte dans mon bouquin, eh bien, toute la hiérarchie sociale, si je puis dire, le chef des pygmées, entre guillemets, c'est celui qui va sous l'éléphant et qui plante la lampe, c'est-à-dire qui prend le plus de risques. Et donc, il a un statut qui est vachement fort, mais il ne peut pas tricher, c'est-à-dire il ne peut pas dire que Chirac ou je ne sais pas qui, n'importe quel président de l'État, avec quelques président de gouvernement, chef d'État, il ne peut pas dire le contraire de ce que pensent les autres. Dans ce système, et alors là, c'est à mon avis le principal message à retenir de tout ça, il y a unanimité des opinions. C'est-à-dire que quand il y a un gars qui est contre tous les autres, généralement, il s'écrase. Et quand il y a vraiment, par exemple, la moitié du groupe qui est d'un avis et l'autre moitié qui est de l'autre avis, ils discutent à perte de vue, on appelle ça les palabres, les Européens, ils ont considéré ça comme une discussion sans objet, alors que ce qui vise, c'est l'unanimité. Et puis quand on arrive au bout d'une discussion de plusieurs jours où personne n'est d'accord et où reste dans leur position, on n'arrive pas à embrasser le morceau d'un côté ou de l'autre, eh bien, le groupe se casse et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Donc vous avez l'anarchisme réalisé, de façon, à vous. Ce qui arrive souvent dans la génération anarchiste. Avant, je voudrais juste faire un point, puisqu'on est au CIRA, on parle d'auteurs anarchistes, mais il n'y a pas que qui ont écrit des trucs intéressants sur les sciences, mais un qui est intéressant et qui pourrait dire qu'il a réussi à faire un mariage harmonieux entre la science et l'humain, c'est peut-être Didier Zéroclus. Regarde ses écrits où il a réussi à montrer justement cette harmonie, et donc il est allé voir, végétarien suite à cette critique de l'homme qui tue l'animal, et l'homme qui tue l'homme d'ailleurs, voire il allait plus loin, c'est critique complètement les animaux qui tuaient d'autres animaux, vous ne comprenez pas ça. Moi ce que je vous pose la question, c'est quel est le prix de la recherche scientifique, quel est le prix de la science, même pas de la recherche, quel est le prix de la science. Tu as cité un exemple sur ceux qui ouvrent les cerveaux des animaux, pour pouvoir étudier, donc pour avancer dans la science et pour pouvoir avancer aussi dans nos relations entre êtres humains, pour pouvoir se comprendre et comprendre ce qui nous entoure. Mais où ça va? Quand est-ce que le... Bon, avant même que l'esprit scientifique apparaisse, il y a des gens qui avaient des connaissances scientifiques, c'est-à-dire en Mésopotamie, en Égypte, les premières civilisations, vous aviez des gens, par exemple, les prêtres égyptiens, les scribes égyptiens, l'administration égyptienne, quand chaque année le Nil recouvrait les champs avec le limon, c'est-à-dire l'argile qui débordait, et bien il fallait retrouver les limites du terrain. Et dans ce cas-là, par empirisme, petit à petit, ils ont trouvé les bases de la géométrie. En Mésopotamie, c'est pareil. Par exemple, vous savez peut-être que l'origine de l'écriture, c'est pas la poésie. Hein. C'est des gens qui calculaient, qui ont compté le nombre de moutons, leurs biens, etc. Et puis petit à petit, ils ont fait un système, un mouton avec un petit pictogramme, etc. Et puis après, ils ont dit, tiens, c'est un système qui tient debout, on va faire une grammaire, une syntaxe. Et donc, ils sont arrivés à quelque chose qui recopiait exactement ce qui était dit oralement. Et donc, c'était ça l'histoire. C'est donc à la base, il y a des notions pratiques. Et puis alors, deuxième niveau, après Mésopotamie, Égypte, c'est-à-dire les vieilles traditions où les gens faisaient de la science sans le savoir, vous avez les Grecs qui sont allés gouverner partout par là-bas, dans cette partie de la Méditerranée, et qui sont allés voir et qui ont piqué les résultats. Parce que le théorème de Pythagore, par exemple, c'est pas Pythagore qui avait trouvé en réalité, il était connu auparavant, mais il a Pythagore, il est allé faire des retours chez les Égyptiens qui, eux, sortaient complètement de la science, parce que c'était assez pratique, c'était pas assez théorique. Et donc, eux, ceux qui ont fait de complètement original, on peut dire que c'était l'origine de la science, c'est que les Grecs, ils ont piqué toutes ces connaissances, le zéro des Arabes, des Hindous, que les Arabes avaient ramené, des trucs comme ça, ils l'ont piqué, ça nous fait un système cohérent, et puis comme ils aimaient bien discuter, les Grecs, ils aimaient bien se faire des joutes verbales, eh bien, ils sont arrivés comme ça à mettre en place tout un corpus de connaissances et une manière de raisonner où chacun essayait d'être plus logique, plus convaincant que le précédent. Et donc, tout un système de connaissances qui devenait vraiment de la science, c'est-à-dire une approche de la réalité objective, c'est-à-dire qui essaie d'être le plus objective possible. Et donc, les arguments, les gens échangent les arguments, mais pour revenir à la définition de départ, c'était l'aspect connaissance qui prenait le pas. C'était pas l'aspect technologie. Les Grecs savaient plein de choses par eux-mêmes, mais ils avaient piqué pas mal d'informations et ils avaient réuni tout un ensemble de connaissances qui auraient pu être appliquées, mais qu'ils n'ont quasiment pas appliquées. Pourquoi? Parce que l'intérêt des Grecs, ce qui les intéressait surtout, c'était arriver à discuter, à convaincre les autres. Ils avaient des esclaves pour faire le sale boulot. Et eux, ils avaient la possibilité de créer des écoles qui permettaient les sophistes, des gens comme ça, avaient la possibilité d'essayer de convaincre les autres, et ils sont arrivés à mettre en place toutes les bases de la science actuelle. Donc c'est intéressant de voir cette origine, c'est-à-dire pratique chez les civilisations anciennes, et puis théorique chez les Grecs. Et puis alors, à partir de là, on a déjà donc toutes les bases qui sont posées, et puis à la Renaissance, on arrive à une société qui s'est endormie pendant le Moyen-Âge, ou du moins qui a mis ça tout ça en sommeil. Les Arabes sont venus, ont fait le trait d'union, c'est-à-dire ont récupéré tous les bouquins, les connaissances des Grecs, les autres les ont transmis d'abord par l'intermédiaire de Grenade, de Montpellier, tout ça, par les premières universités françaises. Ils ont ramené toutes ces connaissances, et d'un seul coup, on a découvert des connaissances qui étaient complètement depuis 1000 ans quasiment, sous le boisseau, c'est-à-dire qui étaient comme, par exemple, Aristote qui avait décrit 500 espèces d'animaux et qui avait mis en les bases de l'évolution, c'est-à-dire qui avait déjà dit, entre l'homme et l'animal, il n'y a qu'une différence de qualité, de quantité, il n'y a pas de différence de qualité, donc des trucs énormes qui ont été repris par Darwin, avec plus d'arguments évidemment. Eh bien, un gars comme Aristote, qui avait l'ensemble des connaissances dans sa tête, parce qu'à l'époque, bon, maintenant c'est impossible, il y a tellement de connaissances que vous pouvez à peine maîtriser un petit domaine à l'intérieur, même moi en écologie, ma spécialité, je ne connais pas l'écologie, mais en réalité je ne connais que des petits bouts. Et personne n'est capable maintenant de faire une synthèse d'ensemble, c'est tellement de connaissances que ça dépasse la vie et les capacités d'une seule personne. Mais à l'époque d'Aristote, cet Aristote, il avait mis en place, c'est pour ça qu'il avait été si longtemps, toute la scolastique du Moyen-Âge est basée là-dessus, il avait mis en place tout un système dont la moitié s'est perdue, évidemment, dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Et donc, néanmoins, la moitié des documents qu'il a laissé passer sont tellement énormes que ça a été une révolution à la Renaissance. Et quand ils ont utilisé ces connaissances, ils se sont dit, ils ont retourné le système, ils se sont dit, mais c'est pas tout d'avoir des connaissances comme les Grecs, des connaissances pour parler, pour réfléchir, etc. On va les utiliser pour améliorer notre niveau de vie. Et à partir de là, et ça a changé complètement, et là on entre vraiment dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, les connaissances, c'est pas tout, on n'est pas là seulement pour discuter, on est là pour agir. Un peu comme Marx par rapport à Proudhon, par exemple, il dit, ça suffit la philosophie, etc. On va agir. Et donc, cette notion à Descartes, en particulier au niveau français, a été le fondateur de cet état d'esprit. Descartes, c'est des bases scientifiques au sens du gratuit. Contrairement à ce qu'on raconte souvent, il n'a pas trouvé énormément de choses à côté de Newton, c'est rien du tout. Mais par contre, il a mis en place la religion du progrès, si vous voulez. C'est-à-dire, on va arriver à vaincre les barrières, à savoir tellement de choses qu'on va arriver à la santé parfaite, peut-être à l'éternité, et cet état d'esprit, attention, il continue à se maintenir. Puisqu'actuellement, on vit dans une société où on vous raconte qu'on a trouvé le gène qui permet de multiplier la vie et que le jour où on arrivera à l'immortalité, on se demande d'ailleurs comment ça tient debout, parce que si vous faites des enfants gratuitement et que tout le monde est immortel, je ne vois pas où ça va. Ah ben bon, en tout cas, donc c'est à courte vue. Vous avez des gens actuellement qui vous disent, ouais, la Terre, on est en train de la polluer, mais on va aller sur Mars. Donc le problème sera réglé. Donc quand vous avez des pareilles assertions, ça vous laisse rêveur sur le sérieux des gens qui sortent des trucs pareils, n'importe quel gars de bon sens de village se rend compte que ça n'était pas la route. En tout cas, à la Renaissance donc, et jusqu'à maintenant, on a la période bénie du mariage entre science donc, et société, parce que là on s'est dit c'est formidable, on a la clé du bonheur universel, aucun problème, la voie est radieuse, l'homme va dominer tout, il va écraser la nature, il va l'exploiter. Vous retrouvez déjà dans tous les monothéismes, faites des sages, croissez, multipliez, exploitez la nature. Et puis maintenant, on arrive au bout du chemin. Et là, les problèmes arrivent. C'est-à-dire qu'on arrive dans une société où on ne peut pas croître et multiplier effectivement. Moi, j'étais avant-hier en Inde, il y avait 1 milliard de personnes autour de moi, dans ce pays, et bien c'est la crasse, et bon, les gens, ils ont quasiment souffré, et bon, les problèmes se manifestent. Et donc, actuellement, bon, ici on est moins coincé, mais il n'en reste pas moins qu'on arrive à des problèmes. Les problèmes qu'il y avait à l'époque dans un petit coin comme la Mésopotamie, bon, il y avait des stérilisations des terres, etc. Bon, ça touchait une région. Là, on arrive à un système planétaire où la population de la planète augmente énormément, malgré ce qu'on dise, on a dit que ça allait plafonner, bon, en réalité, ça continue à monter. Deuxièmement, les ressources commencent à s'épuiser, c'est-à-dire le pétrole. Il y a 10 ans, je disais qu'on allait se casser la gueule sur le pétrole, ça fait lundi, c'est-à-dire que le pétrole, bon, on n'en manque pas encore, on a encore 40-50 ans de réserve. Mais il n'en reste pas moins qu'avec la Chine, qui a une croissance de 10% actuellement, ça pompe tellement de pétrole que les réserves n'ont pas suivi, et c'est pour ça que vous avez dans votre voiture, vous avez payé plus cher les hommes actuellement. Donc on est entré dans une période de pénurie, et ça ne fait que commencer, c'est-à-dire que dans 10-20 ans, vous allez avoir le pétrole qui sera l'essence qui sera tellement cher que vous ne pourrez plus utiliser la voiture, sauf s'ils ont trouvé un nouveau système. Pour le moment, on n'a pas de solution de remplacement. En tout cas, on va se retrouver avec des voitures qui ne pourront plus rouler parce que les gens sont trop chers. Et les gens qui habitent loin de Marseille et qui vont au boulot, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, on arrive dans des problèmes énormes. Le changement climatique, bon, il y a 10 ans, on nous racontait que c'était des rêves, qu'il y avait des pour et des contre. Maintenant, les évidences sont tellement énormes que, à part quelques dingues, toute la communauté scientifique est d'accord pour qu'il y ait un changement climatique et qui va être entre 2 et 6 degrés dans quelques dizaines d'années qui suivent, et ça risque d'aller plus vite. Et s'il apparaît, et là, attention, il y a des phénomènes qui sont quasiment impossibles à récupérer. C'est-à-dire, par exemple, si le Gulf Stream, c'est-à-dire le grand courant qui réchauffe les côtes françaises, s'arrête, parce que ça s'est déjà fait, on le sait maintenant, par les, personne sur les détails, enfin, en tout cas, les scientifiques qui étudient ces trucs-là savent que le Gottfried s'est arrêté à un certain moment. Et si le Gottfried s'arrête, vous retrouvez, comme vous êtes à l'Institut du Québec, vous retrouvez à La Rochelle, gelé à moins 40, avec des glaces, la banquise. Vous pouvez la Bretagne en train de banquise. Donc, c'est pas anodin. Hein. Et donc, vous avez donc des problèmes qui vont arriver et qu'on ne va pas pouvoir maîtriser, parce que le changement climatique, c'est tout à fait à démarrer qui a arrêté. D'autre part, les problèmes d'essence, bon, ben, il faudra trouver quelque chose, mais si on ne trouve rien, ben, on va se retrouver avec une pénurie d'essence. Et donc, comme l'essence est vachement importante actuellement, puisqu'elle fait marcher tous les automobiles, etc., et les avions, bon, ça va changer complètement la société. En plus, vous avez la diffusion, la vulgarisation, si je puis dire, de l'énergie atomique. Jusqu'à présent, c'était tenu par quelques nations hautement industrialisées. Maintenant, vous avez le Pakistan, la Chine, la Corée, bientôt n'importe quel dingue aura n'importe quel petit dictateur sa bombe atomique à sa disposition. Donc, on court de plus en plus devant des problèmes de diffusion. C'est pour ça que les Américains, d'ailleurs, essaient de lisser, essaient de récupérer, mais il n'en reste pas moins qu'il y a. Je ne vois pas comment on empêchera le système de diffuser. Donc, il y a un tas de menaces qui arrivent, que vous percevez peut-être pas directement, mais enfin, quand même, vous voyez que les taux de cancer augmentent, il y a des problèmes actuellement, bon, on va vous dire, parce que le niveau de vie, enfin, la durée de vie a augmenté, mais ce n'est pas une seule raison, il y a aussi des pollutions qui ont augmenté. Tchernobyl, il y a actuellement des gens qui sont en procès contre l'État français, à suite à Tchernobyl, à cause de cancer de la glande thyroïde. Il y a 300 personnes. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ça, en tout cas, c'est facile de contrôler sur les sommets de Corse ou les sommets des Basses Alpes que les taux de radioactivité ont augmenté. Donc, on se retrouve dans un monde, bon, il ne faut pas non plus s'affoler, hein, il y a toujours eu des problèmes, avant on pouvait le faire, maintenant on a d'autres problèmes, mais il n'en reste pas moins que c'est fini la belle période où la nourriture augmentait, on est fatigué de moins en moins, etc. Là, on est arrivé au sommet du plateau et on commence à descendre. Alors, ça pose le problème, est-ce que la science ne doit pas être contrôlée par la société? Et puis, d'autre part, il y a les spiritualistes, les anti-rationalistes, commencent à se réveiller, ils fermaient leur gueule parce qu'évidemment, jusqu'à présent, la science est tellement puissante et avait tellement de résultats pratiques qu'elle fermait la gueule à n'importe qui parce qu'évidemment, que voulez-vous que fasse le pape ou je ne sais pas qui contre des résultats pareils bon. Donc ils étaient obligés d'accepter l'état de fait et par exemple, l'évolutionnisme, ce n'était plus une théorie, c'était un fait. Et donc même la religion catholique a dû accepter l'évolution. Mais par contre, actuellement, on vit une période d'obscurantisme, c'est-à-dire en fait le début de l'obscurantisme, c'est-à-dire que on remet les gens qui fermaient leur gueule chez présent et qui devaient rester silencieux parce qu'évidemment il y avait un seul rapport de force, se disent mais attention, c'est pas aussi simple. On arrive dans une société où on a besoin de spiritualité, où on a besoin de s'ouvrir à l'extérieur, le rationnel, il n'y a pas que ça, la science c'est un point de vue, mais ce n'est qu'un point de vue, et on arrive là dans une vision des choses qui ouvre un irrationnel et ce que j'appelle moi une période obscurantiste. Alors, évidemment, d'autant plus qu'à l'intérieur même des sciences, vous avez les sciences humaines qui parfois vous disent « Oh oui, mais la science, oui, on vous dit que les sciences, la biologie, la physique, la chimie, c'est des sciences dures, mais en réalité, ces sciences sont faites par des hommes qui ont tous les travers des hommes, donc il y a une part de subjectif, alors que par contre, nous, on sait qu'on est subjectif, et donc on est une science molle, mais en fin de compte, on le reconnaît, et dans la mesure où on le reconnaît, on est plus objectif, donc on est sans doute plus dur que vous. En fait, donc, et ça, ça, alors ça, bon, c'est pas seulement une guerre des sciences, je vous signale d'ailleurs, que j'ai fait un article dans ce numéro de réflexion qui est ici, là, sur la guerre des sciences, qui pose le problème avec plus de détails que je l'aborde là, rapidement, mais il n'en reste pas moins que je trouve que c'est dangereux, chacun peut avoir un point de vue, bien sûr, et les sciences humaines ont tout à fait le droit d'avoir de penser ce qu'ils veulent, et même d'être en opposition avec ce qu'on appelle les sciences dures, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même une remise en question de la vision de la réalité par la science. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça signifie l'astrologie, c'est le même point de vue. Vous avez autant de droits de dire que vous êtes d'avoir un point de vue scientifique que d'avoir un point de vue anthropologique. Et alors, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est quand même une remise en question complète de la non seulement du type de société dans laquelle on était, c'est-à-dire très scientifique, très rationaliste. Là, on arrive dans un monde qui remet en question toutes les bases rationalistes du système précédent, et puis qui commence à partir dans toutes les directions, d'où, à mon avis, la dérive qui est actuellement avec la scientologie, enfin, vous avez continuellement des sectes qui réapparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent fortes. C'est-à-dire qu'actuellement, elles se rendent compte que la science est en période de croissance, qu'elle commence à être faible, qu'elle n'a plus les moyens qu'elle avait avant. Et donc, ces gens-là, ben, ils se disent que c'est le moment ou jamais d'attaquer. Alors, vous avez par exemple, pour prendre des exemples concrets, ça sera mieux que de parler dans le vide, vous avez par exemple aux États-Unis l'évolution, la théorie darwinisme qui est admise par tous les scientifiques. Moi, on sort continuellement des bouquins, ah ouais, j'ai trouvé que il y a une faute dans le darwinisme, n'empêche qu'il n'y a pas un scientifique sérieux qui ne soit pas d'accord, on est obligé d'accepter le truc. Et il en reste pas moins qu'aux États-Unis actuellement, c'est apparu sous Reagan et ça a été renouvelé par Bush, dans les écoles, dans de plusieurs États américains, face à l'enseignement biologique classique, c'est-à-dire de darwinisme, on doit expliquer les théories fixistes, c'est-à-dire la Bible. Créationnisme. Donc, alors là, vous vous retrouvez avec un problème qui est quand même un problème de fond. C'est-à-dire que si, alors qu'on a montré depuis 2000 ans que la Bible, bon, c'était, et que même les catholiques d'ailleurs étaient d'accord, les chrétiens eux-mêmes reconnaissent que c'est qu'une image, c'est simplement pour expliquer des trucs simples, bon, ils ne cherchent pas la vérité, ils savent bien que le monde ne s'est pas fait en 7 jours, etc. Mais là, vous arrivez avec des gars qui vous disent, ah, vous avez eu un point de vue scientifique, vous avez bien le droit, mais nous, il faut être libéral, il faut être respecter l'opinion d'autrui, et vous avez en face l'opinion que la Bible est tout à fait vraie, donc vous devez la respecter. Et donc, l'enseignement, vous choisissez, donc l'étudiant, en fait l'élève, à choisir entre deux cours, soit il choisit le darwinisme, c'est-à-dire la science classique, rationnelle, etc., soit il choisit le créationnisme, et là, on lui fait des cours sur la Bible, l'origine de la vie à partir de la Bible. Donc là, ça pose quand même un problème. Alors ça, vous me direz, c'est les États-Unis, c'est Bush, c'est loin, c'est... Bon, passons, surtout en France, surtout en Bush, c'est facile à démontrer. Mais par contre, ça va plus loin, hein, c'est plus insidieux. Vous avez des gens de socialistes français, par exemple, comme par exemple Claude Allègre, vous avez aussi Régis Debray, qui vous disent... Ah, les points de vue se valent. Il y a des gens qui ont un point de vue rationaliste et scientifique, ils ont bien le droit. Mais nous, mais si vous êtes croyant, c'est complètement, évidemment, vous ne pouvez pas prouver ça, ça n'entre pas dans le champ de la science, mais vous avez bien le droit d'avoir un point de vue différent. Et dans le fond, ça va bien ensemble, parce que dans la foi, la science, c'est quand même vachement étroit, c'est vachement réductionniste. Alors que par contre, si vous avez un supplément d'âme, comme disait Bergson, c'est-à-dire une vision ouverte, beaucoup plus sensitive et plus intuitive de la réalité, ça se complète. Et donc les deux vont ensemble. Or, il faut voir quand même qu'à la base, c'est quand même une opposition. C'est-à-dire que quand on a une vision rationnelle, bon, ça n'empêche pas d'avoir des intuitions, mais il n'en reste pas moins qu'on essaie de monter un système qui est démontrable et qui est continuellement vérifiable. C'est ça qui est quand même la force de la science. Alors que quand vous avez une intuition, ben, chaque gars qui a une intuition peut avoir son intuition, il ne peut pas le prouver. Donc le suivant, il va vous dire le truc inverse et ça dit vraiment une autre intuition. Donc c'est quand même un système qui n'a plus rien à voir. Vous n'avez pas une conduction dans un système scientifique. C'est limité, on peut discuter à perte de vue, mais il n'en reste pas moins qu'on construit une petite maison, chacun amène son petit caillou, et puis après la maison, elle le tient. Alors que là, vous avez du vent à côté, il y a un autre gars qui va vous amener un peu plus de vent, et puis après vous allez dire, oh, mais, il faut être honnête, il faut respecter tous les points de vue. La maison, la construction en dur et le vent, c'est pareil. Là, il y a un problème. Et d'autant plus qu'on le présente, comme c'est le cas de Claude Allègre et de Régis Debray, vous avez une floraison de ce mouvement de bouquins que vous regardez dans les librairies sur Dieu et la science, etc. Et donc, on vous présente ça comme une apparence d'ouverture libéraliste, etc. Or, en réalité, c'est des droits d'esprit. Hein. Il faut voir la réalité. Moi, je la considère comme telle, en tout cas. En tout cas, pour en revenir, retrouver et dans les mouvements d'art, comme le mouvement dadaïste et en particulier les surréalistes étaient contre la science. Vous avez Breton, par exemple, qui estimait que la science est trop étroite. Hein, le problème, c'est que c'est de retrouver chez les situationnistes. Situationnistes, Van Game, Riesel, qui sont anti-scientifiques. Quand Riesel avait des problèmes, d'ailleurs, il n'était pas d'accord avec Beauvais, actuellement, en prenant l'actualité de tous les jours, Beauvais et Riesel participaient au même arrachage de plans d'OGM, mais Beauvais estimait que dans les scientifiques, il y a à prendre un PC, alors que Riesel disait la science, il avait une pancarte lutte contre l'obscurantisme scientifique. Donc, c'était, à mon avis, c'est très dangereux, parce que casse le système d'intérieur, comme les gars des sciences humaines qui vous disent on a le même point de vue. Alors on arrive aux sciences humaines, prenons un cas concret et qui est à mon avis exemplaire, c'est le cas d'Elisabeth Dessier, qui est l'astrologue que vous connaissez sans doute, qui est une dame qui a joué dans les films porno soft au départ de sa carrière, et puis avec l'âge évidemment elle n'a pas pu continuer. Et donc elle est passée à l'astrologie, qui était une bonne manière évidemment de faire du fric, et elle a tellement bien marché, parce que c'est une femme qui était maligne et sans scrupules. Et donc, elle est arrivée à être astrologue de Mitterrand, on ne sait pas si c'est vraiment pour lui dire les mines de la mer ou autre chose, en tout cas, elle conseillait Mitterrand en astrologie. Alors là, vous comprenez que ça commence à poser problème quand on arrive à ce niveau-là. Or, cette dame, elle s'est mise en tête de passer une thèse de sociologie. Elle est allée voir des profs de sociologie très à mode d'ailleurs, hein, je suis pas dans la tête, un gars qui s'occupe de tribalisme, je ne sais plus comment. Oui. Hein? Non, Mathé Douli. Eh bien, professeur Mathé Douli, professeur de sociologie à Sorbonne, et donc elle est allée, vous qui aime bien les coups d'éclat, il est allé faire d'ailleurs un congrès anarchiste, il a fait un exposé en disant que les groupes anarchistes, c'était comme la mafia, ça avait la même voiture. Évidemment, il a manqué de se faire lécher. En tout cas, c'est un gars qui aime bien faire des coups d'éclat et de scandales pour attirer l'attention. Et donc, lui, il s'est dit, tiens, formidable, elle est super connue, c'est autre chose que d'avoir une étudiante qui est inconnue, on va parler de moi. Donc, il a cru se servir de la fille, mais la fille, évidemment, qui était plus maligne que Elisabeth Tessier, qui était plus maligne que lui, s'est servie de lui. Parce qu'en fin de compte, le sujet de thèse, c'était, disons en gros, sans entrer dans le détail, c'était dit d'une manière beaucoup plus savante, mais en réalité, ça veut dire la même chose, c'était les avantages et les inconvénients, le pour et le contre, si vous voulez, de l'astrologie. Évidemment, elle a traité le pour, en trois lignes, elle a traité le contre en disant que c'était idiot, et puis l'affaire a été close. Donc, le président de jury, c'est-à-dire la Pétoli, a estimé qu'elle avait tout à fait le droit de présenter sa thèse. Moi, j'ai lu sa thèse, alors je me suis appuyé 1000 pages de lecture. Hein. Dont le dernier chapitre, c'est un chapitre de l'Essai par les Dards Soutra, à la pompe également, le bouquin en avait mis dedans, alors soi-disant en citation, je ne sais pas ce que ça voulait dire, enfin, et il y a 500 références qui sont complètement hors de contexte, c'est-à-dire que le site, il fait beau, Victor Hugo, oui, ce genre de truc, quoi, donc, ça ne veut rien dire du tout. Alors, et par contre, elle, c'est une défense et illustration de l'astrologie. Bon, alors ça, quel est son point de vue et quelle vente son petit commerce, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'elle veut récupérer l'étiquette, sa carte de visite, docteur de la Sorbonne, et dire, mais moi aussi, je suis docteur en science, il n'y a pas de raison que la science, moi je connais très bien, je regardais mon diplôme, etc. Et là, ça pose des problèmes parce que les scientifiques qui se sont montrés complices de cette manière de voir, à mon avis, pour pouvoir simplement obtenir un peu de crédibilité et qu'on parle d'eux à la radio ou à la télé, et bien ils se sont retrouvés avec une histoire de fou, ce qui fait qu'il y a eu d'ailleurs, vous avez peut-être vu qui vit ça dans le monde, il y a eu des tas de profs, pas seulement de profs de sciences dures, mais de profs de sociologie, qui se sont arrachés les cheveux en disant, mais vous foutez en l'air complètement le sérieux de notre travail, parce que les sociologues farfelus, il y en a, comme la Pédoli, qui n'est pas un idiot d'ailleurs, mais qui est un opportuniste. Mais par contre, des profs de sociologie qui se fatiguent, ça existe aussi. Donc les gars, ils se retrouvaient mis dans le même banc. Et donc, ça a fait un petit scandale dont Elisabeth Tessier a trouvé très bien d'utiliser. Et puis néanmoins, il y avait dans une thèse, il y a un rapporteur, c'est-à-dire un gars qui juge si la thèse est recevable. Bon, mais c'était un professeur de sociologie de Montpellier. Et alors moi je me suis approché à lui parce que je le connais bien, et j'ai dit, mais quand même, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Comment vous avez pu accepter de faire passer une thèse à une fille qui d'abord ne connaît pas bien la sociologie, deuxièmement, n'a pas passé le sujet, elle n'a passé que la moitié du sujet. Alors il m'a dit, oui, mais de toute manière, tu comprends, elle a eu son âge, elle a une soixantaine d'années, elle ne va pas essayer d'avoir une cote à l'université, donc il n'y a pas d'ingé, tant pis, bon. Les arguments comme ça, c'est autant donner des diplômes dans les projets de faire fouille. En tout cas, vous voyez le problème de fond que ça pose, c'est-à-dire qu'actuellement, et ça me paraît plus dangereux, on a à l'intérieur même du système, dans la vision, un relativisme extrême, et ça s'appelle d'ailleurs le relativisme, pour les sociologues, ils appellent ça postmodernisme, mais ça vous-même, c'est-à-dire que on n'est pas sectaire, tout se vaut. Donc, vous avez un point de vue d'astrologie, ok, vous avez un point de vue scientifique, ok, tout est bon. Mais c'est pas ça, la science, en fait, elle a été construite pour éviter, justement, ce recours à des arguments aussi faibles. Donc, actuellement, ça pose un problème de fond, et vous avez une offensive, actuellement, dont vous n'êtes pas rendu compte, sans doute, peut-être. En tout cas, regardez dans vos librairies, et vous verrez qu'actuellement, des tas de bouquins qui sortent de la science, etc., et une remise continuellement en cause de la science en tant que système explicatif, et souvent en se servant évidemment des ratés de la science, si je puis dire, qui sont en réalité pas des ratés de la connaissance, mais des ratés de la technologie. Or, moi ce que je voudrais dire quand même, j'ai rien à vendre, mais quand même, c'est que la science actuelle, elle a fait des avancées gigantesques. Alors ça peut-être vous ne le voyez pas non plus, il y a d'un côté une poussée obscurantiste, et puis de l'autre côté, il y a toutes les connaissances qui sont en train de se réunir, c'est-à-dire qu'il y a tellement de connaissances en biologie, en physique et chimie, c'est déjà assez ancien, il y a 50 ans que c'est mis en point, mais par contre, en biologie, actuellement, ça évolue énormément, et ça ne se contente pas de la biologie dure, c'est-à-dire biologie moléculaire, évolution, etc., mais même l'évolution, pour rester à ce niveau-là, vous vous rendez compte que les problèmes philosophiques que ça pose, c'est-à-dire quand vous savez que par exemple, chez les animaux, il y a une part d'intelligence et de compréhension, etc. Ben, ça pose le problème. Regardez, par exemple, à l'instant, on vient de trouver un homme, l'homme de Flores. Vous avez entendu parler de ça? Bon, l'homme de Flores, c'est un petit homme qui fait 1 mètre, qui a un cerveau de chimpanzé, à peine plus gros, bon, et qui vivait il y a moins de 15 000 ans, alors que Lascaux et Altamira et Chauvet, c'est entre moins 20 et moins 30 000 ans. Donc, c'est-à-dire que ces gars-là, qui était deux fois plus récent, il vient de disparaître hier, si vous voulez. D'autre part, toutes les avancées de la préhistoire, de la paléontologie, montrent que, contrairement à ce que nous a raconté, c'est pas... D'abord, on a des datations, alors jusqu'à présent, on travaillait dans le flou, on ne savait pas, il y avait la préhistoire, c'est-à-dire, bon, avant, et puis après, en réalité, on sait que maintenant, le groupe des hominidés dont on fait partie, c'est à peu près 2 millions d'années. Bon, 2 millions, 2 millions et demi. L'histoire de l'agriculture, de l'élevage, des cités, des armées, tout ça, ça a au maximum 10 000 ans. Donc, si vous voulez faire un rapport facile à enregistrer, ça fait 5 minutes sur 24 heures. Donc, ça veut dire que pendant 23h 55, il s'est passé une autre histoire. Et cette histoire, elle a été biologique avant tout, parce que et la vie en société qu'on vit n'est pas du tout celle dans laquelle on a vécu les 23h55. Actuellement, moi, il me semble qu'on a une situation qui est quasiment pathologique, c'est-à-dire une telle... Il faut voir, quand vous voyez les courbes d'évolution de la population, vous voyez que ça a été quelques milliers d'hommes pendant des milliers et des milliers d'années, et puis d'un seul coup, depuis, disons, 10 000 ans, c'est parti d'une manière asymptotique, c'est-à-dire comme ça, quoi. Et donc, d'une part, ça pose le problème de la suite, hein, qu'est-ce qui va arriver au bout, là, parce que là, il n'y a pas de courbe de stabilisation d'une population animale qui continue indéfiniment. Si vous mettez dans un aquarium un poisson, ça va, deux poissons, ça va, mais si vous en mettez 10 000, ça ne va plus. Et c'est bien évident qu'ils vont crever. Donc, le problème qui se pose, c'est le même pour nous, hein. C'est-à-dire que là, les ressources se limitent, alors on vous dit, mais attention, il ne faut pas être négatif, évidemment, on va trouver quelque chose de plus, on va aller dans la Lune, on va aller dans Mars. Après, quand on voit que dans la Lune, il n'y a rien, hein, rien d'utilisable pour nous, que dans mars, voire le coût de l'opération, le bon sens indique qu'on ferait mieux de gérer ce qu'on a sur place. Hein, et que la régulation des licences existe, par exemple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des solutions extraordinaires en multipliant la technologie, etc. Et que par contre, l'aspect négatif de la technologie joue de plus en plus fort. C'est-à-dire que maintenant, un bulldozer, il fait un travail qui est sans commune mesure avec ce que faisait un homme à la main avant. Donc, on va à une vitesse incroyable. Et donc, je pense, et je vais peut-être arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que actuellement, si les sociétés, c'est-à-dire vous, ne reprennent pas la main sur l'évolution de la science, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes quasiment spectateur, vous ne savez même plus ce qui se passe. C'est-à-dire que vous vivez dans un monde qui est guidé par la science, mais vous n'avez plus le contrôle de la machine. Et les politiques décident actuellement de la politique scientifique sans avoir l'avis de la population, parce que qui décide par exemple s'il faut acheter une centrale nucléaire? Il n'y a jamais eu de référendum de vote pour savoir s'il fallait faire une politique tout nucléaire, comme c'est le cas en France. On ne vous demande pas votre avis pour savoir si les crédits de la recherche doivent se mettre à être mis dans la recherche militaire, comme c'est la majorité des cas actuellement, ou bien à la recherche aussi au service de quoi. Alors là, il y a encore toute une discussion. Si on fait avec cet argent, on recherche par exemple des biotechnologies, des OGM, bon, ben, c'est tout un monde particulier, c'est le monde de la collectivité, etc. Si au contraire on essaie de placer l'argent pour gérer le mieux possible ce qu'on appelle le développement durable, ben, c'est une autre vision des choses. Si on essaie de conserver la biodiversité, etc., vous voyez, il y a mille options. Et donc on se retrouve dans des problèmes de fond. Donc voilà, j'ouvre la discussion. Oui, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord. Et il faudrait préciser que là, précisément, on sort du domaine de la science. Parce que les choix, par exemple, le choix du nucléaire, ça n'est pas un choix scientifique. Le choix de l'énergie nucléaire, c'est un choix de société. C'est un choix politique. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que quant à un contrôle de la science par la société, dans une société de classe, ça y est, paraît assez problématique. Dans la mesure où la science est effectivement le monopole d'une élite. Donc tant qu'il y a séparation entre travail intellectuel et travail manuel, je vois mal comment la société pourrait contrôler la science. Et vous espérez quoi alors? Personnellement, je pense qu'il faudra en finir avec la société en question. C'est-à-dire qu'on voit la technologie avec le communisme. Alors. Le communisme, c'est pareil, hein, les mots, on est figé par les mots, tout dépend ce qu'on met derrière le mot communisme. Hein. Oui, je veux dire oui, communisme. En sachant qu'il s'agit d'un communisme universel. Et vous trouvez que c'est pas bien. C'est-à-dire qu'actuellement, les communismes qui ont marché, c'est-à-dire qui n'ont pas marché, qui n'ont jamais été communistes. Enfin, ça, vous donnez la définition que vous voulez, mais en fait, disons, Marx était quand même, j'espère, communiste. Et en Russie, il n'y a pas eu plus grande opposition qu'en Russie. Actuellement, la Chine est en plein développement économique, à raison de 10% de population par an, et est en train de polluer complètement sa zone. Ils sont en plein capitalisme. La Chine est en plein capitalisme. Bon, alors, ils sont en train je ne fais pas de jugement de valeur, mais il n'en reste pas moins qu'actuellement, ils sont en plein développement économique. Et ça, c'est sûr. C'est un fait. Est-ce que vous ne pensez pas, étant donné que la bombe atomique a été utilisée à Hiroshima, que je ne sais pas quel pays, mais dès qu'il y aura la possibilité de le faire, sans aucun scrupule, on recommencera à le faire. Mais dis donc, là, l'histoire montre que depuis Hiroshima, il y avait mille fois l'occasion d'utiliser la bombe, même à Cuba, ça manquait à être utilisé. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit tel qu'ils étaient en train d'utiliser la bombe. Quand vous arrivez avec des sociétés industrialisées où les gens qui gouvernent ont un minimum de tête, comme ils savent qu'il n'y a pas d'issue, quand on lâche la bombe, c'est foutu. C'est-à-dire qu'on pollue complètement une zone de la planète pour des milliers d'années. Ils s'en foutent de polluer. Ce qui compte, c'est leur profit. Pourtant, au Japon, ils y vivent dans les lieux où ils ont eu la bombe. Oui, mais combien ils ont été abîmés, hein? Mais c'est combien de séquelles, hein? En somme, c'est un petit peu ce que vous disiez pour les animaux. Quand il y a un poisson dans l'aquarium, après il y a deux poissons, etc., après ils se suicident. Ben, pour l'homme, ça fera pareil, finalement. c'est en somme un suicide déguisé, cette histoire d'atomique. Oui, donc vous pensez qu'on se suicide en laissant les gouvernants le bouger. Mais moi je me dis, en somme, si j'étais par exemple iranienne ou je ne sais pas, n'importe quel pays qui maintenant revendique d'avoir sa bombe atomique, eh bien je me dirais, mais en somme, après tout, pourquoi vous nous refusez la bombe atomique dans mon pays? Ils ont vraiment bien fait, ils ont bien fait. Moi je dis qu'ils ont raison de dire ça. Parce qu'au plus il y aura de bombes atomiques sur tout le monde, eh bien la bombe atomique. Saint-Jérôme, vous allez à Saint-Jérôme, vous regardez en l'air, à la fac de Saint-Jérôme, vous voyez, il y a des grilles avec plein de chats, ça miaule régulièrement, c'est des chats qui sont voués à disparaître à terme, puisqu'ils sont récupérés dehors et ont fait des expériences sur eux. Il y a une négation de l'être vivant derrière. Et moi, je me dis à ce moment-là, c'est pourquoi, j'ai noté la pointe, pourquoi quand les scientifiques s'aperçoivent que la technologie, elle pervertit complètement la science, pourquoi à ce moment-là, ils ne réagissent pas contre le système qui permet cela. Et du coup, je me pose cette question dans le système dans lequel on est, avec la technologie qui pervertit, le système capitaliste qui pervertit, mais ça pourrait être aussi le capitalisme d'État, en Russie, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un pas de côté et à un moment donné, on se dit, on recherche des tas de choses, mais est-ce qu'on avance réellement dans la compréhension de l'origine de l'homme, parce qu'au final, la science dit ça, ses origines, des compagnies, est-ce qu'on vraiment on commence à comprendre quelque chose? Est-ce que justement, il y a des partitions de la recherche, il n'y a pas réellement de lien qui se font. Nous, non-scientifiques, on n'y comprend rien. De temps en temps, on nous sort une théorie, on va jusqu'à croire la mémoire de l'eau, parce qu'au final, c'est des gens qui sont censés être scientifiques qui nous disent ça. Pourquoi est-ce que non? Pourquoi est-ce que l'eau n'aurait pas la mémoire? Heureusement, derrière, il y a des personnes qui ont démontré par A plus B que, de toute façon, ceux qui avaient démontré la mémoire de l'eau n'ont pas pu refaire une deuxième fois la démonstration. Donc, et c'est ça l'avantage de la science, c'est que justement, tout est remis en question tout le temps. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à la science. Très bien. Bon, voilà. D'accord. En tout cas, très bien la question, cette question. On voit que tu as fréquenté le milieu scientifique parce que tu poses des questions qui sont tout à fait adaptées. D'une part, et ils y reculent, il n'y a pas de doute. Alors là, c'est ça, autant que Poutine a été reconnu historiquement, mais pas sur le plan des mécanismes, parce qu'il pense que les mécanismes, autant il y a reçu, a fait vraiment œuvre scientifique, parce qu'il a créé la géographie sociale, qui maintenant a pris un développement gigantesque, mais il n'est pas reconnu, et la critique qui est faite pour Poutine s'applique beaucoup plus à celle des reculs, c'est-à-dire qu'il a été mis de côté, parce qu'à l'époque, il y avait le problème institutionnel qui fait qu'il était anarchiste reconnu, et qu'il a été mis complètement sur le plan carrière, à l'écart, cette fois qu'il était obligé de partir en Belgique pour trouver un poste. Là, il a été barré systématiquement parce qu'il était anarchiste. Donc, alors qu'il avait fait un apport qui était révolutionnaire dans son domaine, c'est-à-dire que la géographie, jusqu'à son époque, c'était une géographie physique. C'est-à-dire on s'occupait simplement les cartes, les rivières, les sommets, alors que lui, il a dit attention, l'homme et la géographie, ça marche ensemble. Et ça, c'est une vision qui maintenant est reconnue partout, mais qu'il a très bien développé et qui n'a pas pu le faire passer parce que les scientifiques de notre époque comme de cette époque étaient généralement des hommes d'académie, c'est-à-dire des hommes d'institution, et qu'ils ont trouvé qu'il était trop dangereux, c'est donc qu'ils en savaient trop. En tout cas, pour la vivisection et l'éthique, pour revenir à ce que je disais précédemment, les chercheurs sont des hommes, c'est-à-dire qu'actuels. Et il y a un conflit dans tout chercheur, c'est-à-dire s'il applique uniquement l'aspect institutionnel, il cherche à être directeur de labo, de gagner le maximum, etc., comme tout chacun, et puis alors ça c'est le côté négatif, mais le côté connaissance, plus institutionnel des connaissances, c'est qu'il donne évidemment une part qui peut gagner plus d'argent, bien sûr, mais il dit, il n'y a pas de raison de mettre des limites, la connaissance est infinie, il faut apprendre des tas de choses, on ne va pas se faire embêter par les gens qui ne connaissent rien, qui n'ont pas leur mot à dire, nous on connaît notre affaire, on est des spécialistes, vous n'y connaissez rien, vous n'avez rien à dire. Et c'est là qu'à mon avis, ils ont tort, et qui ne font pas leur boulot de citoyens, ils ne remplissent pas leur fonction, et que vous devez normalement les contrôler. Et je vous signale qu'ils sont actuellement beaucoup plus contrôlés qu'avant. C'est-à-dire que moi, sur 35 ans, la durée de ma carrière, eh bien, j'ai vu une évolution gigantesque dans le domaine de l'initiation. Quand j'ai commencé, on m'a donné un boulot de physiologie, de vivisection, justement. Bon, je n'ai pas osé dire que j'étais contre sur le plan éthique, parce que sinon je me serais fait virer. J'ai dit non, je suis beaucoup plus intéressé par l'éthologie du comportement animal, et ça m'a permis, en bossant un peu plus d'ailleurs, d'arriver à faire ce que je voulais, et en gardant mon éthique. Mais en pratique, à l'époque, c'était l'époque style Claude Bernard, c'est-à-dire l'animal s'en fout. Et puis, actuellement, je vous signale, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand vous faites passer un article dans une revue scientifique internationale, vous devez écrire que vous avez respecté toute la réglementation du pays, que vous avez choisi les expériences qui font le minimum de dégâts sur l'animal, etc. Donc, ce n'est pas encore le respect de l'animal au même niveau que l'homme, etc. Hein, mais il y a des projets grands singes, par exemple, qui considèrent qu'on ne devrait pas mettre même en cage des chimpanzés, gorilles ou orang-outans, c'est-à-dire les grands singes. Bon, c'est une autre vision. Vous avez Peter Singer, par exemple, aux États-Unis, qui est un ancien prof australien qui est passé aux États-Unis, et qui estime que, de la même manière qu'il y a eu la libération de la femme, de l'enfant, du fou, et du noir, etc., ben, il doit y avoir la libération de l'animal. Donc, sans en arriver à des conceptions aussi radicales, actuellement, les scientifiques, ils font la gueule, je vous signale, moi je les vois, ils font la gueule, parce que ceux qui, évidemment, ont la vision Claude Bernard, c'est-à-dire, on s'en fout, c'est du matériel, avant ils appelaient matériel d'étude. Ça disait bien ce que ça voulait dire. Hein. Alors que maintenant, ils n'ont plus le droit de... Ils marquent modèle d'étude. Vous voyez, il y a toute une... Et l'éthique... Et là, ça a été sous la pression, non pas des scientifiques ni du gouvernement, ça a été sous la pression du public. C'est-à-dire que les gens, il y a eu des manifs, des gens d'associations, anti-vivisection, qui sont allés jusqu'à brûler des laboratoires, ouvrir des cages. Je connais des chercheurs qui ont reçu des lettres piégées. Hein, donc c'est allé loin. Et on ne parle pas ici, parce qu'on parle, on s'en fout. Mais par contre, en Grande-Bretagne, c'est allé très loin. Il y a des gars qui ont attaqué des laboratoires, hein, carrément. Hein. Des groupes de gars qui rentrent dans les laboratoires, qui ont lâché les chimpanzés, les automotins. Donc actuellement, ça a fait un tel raffut, et donc c'est là qu'on voit qu'il y a une action sociale possible, ça a changé les conditions de travail. Et à mon avis, on peut encore progresser, mais ça a évolué. Et qu'est-ce que vous avez encore dit? Vous avez fait aussi une conclusion, à mon avis, enfin pas une vraiment conclusion, mais vous parlez de la science, des connaissances, etc. Il faut voir que les journalistes qui font les articles, ils sont tellement mal payés, ils travaillent tellement vite, ils battent tellement le travail, que pour leur problème, c'est pas l'exactitude, c'est d'arriver à rendre le papier. Et donc, ils racontent des tas de conneries. Moi, j'ai toutes les semaines, à peu près 15 jours, j'ai un journaliste, même du monde, hein, parlons pas de revues de nul, c'est pas fin de dimanche, hein. des gens du monde qui vous téléphonent, vous auriez pas un projet, un sujet d'article, qu'est-ce que vous... Ah oui, ça m'intéresse, allez-y, parlez-moi. Je leur dis, mais oui, il y a des bouquins, etc. Ah, j'ai pas le temps. Bon, il vérifie rien. Et il vous renvoie même pas la copie de l'article pour vérifier. Et moi, quand je suis devant ce genre de truc, je suis prêt à sandwich. Ou bien on parle pas, et comme ça, on n'est pas trahi, ou bien on est trahi, et parfois il faut dire le contraire de ce que vous avez dit. Ça, c'est un problème de fond. Et attention, pas seulement les scientifiques, les journalistes qui travaillent trop vite, parce qu'actuellement, ils sont là. Sous presse, hein, c'est le cas de dire. Eh bien, mais aussi, vous avez même des scientifiques qui travaillent comme des cochons, et pas les moins connus. Vous avez par exemple Ivo Coppens, qui a fait une série à la télévision, et le dernier film qui est passé, c'est Homo Sapiens. Homo Sapiens, vous voyez l'homo précédent, dont l'Erectus, qui donne naissance à l'Homo Sapiens. Il sait très bien que c'est faux, d'ailleurs il s'est fait accrocher là-dessus. Vous pensez bien, c'est pas une girafe qui a donné un lion, etc. En fait. Et donc, il a été accroché à la télé, d'ailleurs, il a été accroché par les émissions là, dimanche à 1h là, pour la critique, je ne sais plus comment ça s'appelle, Arrêt sur l'image. Il a été coincé là-dessus, et les gars lui ont dit, bon, vous savez très bien que c'est faux, comment vous justifiez ça? Alors, évidemment, il était pas embêté parce qu'il s'était déjà approché en public sur ce truc-là. Alors, il a dit, bon, ben, oui, d'accord, c'est vrai, c'est faux, mais on ne peut pas parler de la même manière en une conférence à 30 étudiants et puis à 5 millions de personnes. Et là, il y a un problème de fond. Parce que ça, la fin justifie les moyens, à nouveau. Hein, de la même manière que je ne suis pas d'accord pour gigouiller les flics sous prétexte de régler les problèmes capitalistes, là, c'est le même problème. C'est pas parce que c'est plus facile à comprendre de passer de l'homo erectus à l'homo sapiens qu'on doit le présenter comme ça. Il y a plus de boulot à faire, évidemment, dans le film pour arriver à faire passer le message quand on est exact, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un problème actuellement qui est complètement perverti dans ce que vous voyez à la télé, même ce matin, j'ai pu regarder sur la 5 des émissions pédagogiques qui étaient pleines de trucs et d'erreurs. Donc, il y a un problème d'information, c'est-à-dire qu'en France en particulier, dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup moins, hein, ils sont beaucoup plus sérieux. Mais en France, ils s'en foutent complètement. Ils passent, pourvu que ça plaise aux gens, c'est tout ce qui les intéresse. Mais bon, passons. Alors, on redonne la parole à Sylvie. J'avais un complément d'information. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de sursauter par rapport à la République. Parce que, la laïcité, oui, bien sûr, la laïcité, c'est une notion, un mot sur lequel les gens mettent des tas de choses. On a parlé, par exemple, de laïcité ouverte. Alors, ça veut dire que l'autre était fermé. Et la laïcité fermée, c'est celle qui ne veut pas faire la part belle, par exemple, à l'enseignement du religieux à l'école, et en tout cas, qui souhaite que ce soit fait d'une manière objective, si tant est que ce soit possible. Le problème de la République, c'est qu'elle, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a défendu la laïcité, peut-être, une certaine laïcité. Mais dans le même temps, et il suffit pour cela que, si vous en avez gardé, vous retrouviez vos vieux manuels scolaires, que vous vous rappeliez de ce qu'on vous a enseigné à l'école, si vous êtes à peu près de ma génération, vous avez eu droit à l'instruction civique. Et on vous a appris qu'il fallait honorer, bien sûr, ses pères et mères, l'instituteur, tous les chefs, bien sûr, le président de la République, respecter l'État, respecter les lois, respecter la patrie et respecter les héros morts pour la France. Vous l'avez pas appris, ça, moi, oui. Et c'est une forme de religion. C'est une religion étatique, c'est une religion républicaine. La République, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, la République, c'est un système d'organisation de la société sur le plan politique. Ça veut dire qu'il y a on va appeler ça des citoyens, plutôt des citoyens qui sont élus pour être les représentants des autres. Et il y a un exécutif qui est lié à cette représentation. C'est ça la République. Et la démocratie, c'est à peu près ça aussi, sauf qu'on garantit théoriquement que les élections se font dans des conditions honorable, de justice, qu'il n'y a pas de fraude, et que les droits des humains, même pas les droits de l'homme, je ne sais pas ce que deviennent les femmes, donc les droits des humains sont respectés. C'est ce qu'on dit aussi dans la démocratie. Bon, qu'est-ce que ça garantit de plus? Pas grand-chose. D'abord, on peut se dire démocratie. Les États-Unis sont une grande démocratie, même dont vient très récemment Pierre, il a vu cette démocratie-là aussi. Est-ce qu'on y respecte le droit des humains, les droits des humains? On pourra mieux en parler. Donc il faut se méfier des mots, des gros mots, comme République. Oui, alors un mot simplement, la démocratie. On parle souvent de l'Inde comme la plus grande démocratie. Bon, en pratique, c'est une démocratie bananière, quoi, comme d'habitude, évidemment. C'est mieux que rien, c'est mieux qu'un dictateur, mais il y a plein de magouilles, et c'est archi connu qu'en Inde, on peut acheter n'importe quoi. Passons. En tout cas, pour l'histoire de la République, moi je dirais plus loin, je dirais qu'il y a deux républiques, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a actuellement une république, tous les gens au gouvernement, toute la haute classe de la société, la classe dirigeante, et la plupart des scientifiques sont progressistes. Alors que moi, je défends un point de vue, et ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est un point de vue, comme dirait d'ailleurs Zéro Plus, régressiste. Il a employé le terme de regret contre celui de progrès, qui est même plus, d'ailleurs, qu'un mot qui a disparu du dictionnaire. Hein. Il parlait de regret. Il disait, il n'y a pas que le progrès, il y a le regret. Et le regret, c'est ce que je, à travers l'écologie, l'écologie au sens même politique, c'est ce que je soulève, c'est-à-dire qu'actuellement, il ne suffit pas d'être un scientifique progressiste. Actuellement, on va dans le mur, c'est-à-dire que à l'Académie des sciences, par exemple, ils ont dit que les OGM, il n'y a aucun problème. Bon, ça, c'est difficile de prouver qu'il y a des problèmes. En tout cas, ils l'ont affirmé alors qu'il n'y a aucune preuve ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, sur l'amiante, il y a un siècle qu'on sait que l'amiante est cancérigène. Or, il y a encore 10-20 ans, je ne sais plus exactement, ils ont sorti des rapports très officiels disant que l'amiante ne posait aucun problème, hein, parce qu'il y avait derrière les lobbies de l'amiante. Donc attention, il y a actuellement la plupart des gens qui tiennent l'université, enfin tous les classes dirigeantes, aussi bien politiques que scientifiques, sont progressistes. Et donc, pour eux, les écolos et même les gens de la rue qui se posent des questions sont dangereux. Donc, ils s'intéressaient par tous les moyens de leur imposer leur volonté. Donc, c'est ça le problème. Bon, il y avait Gilbert. Est-ce que tu veux intervenir? Non, Pierre a répondu et c'est à toi. Là, j'ai coupé la parole d'ailleurs. Ah oui, c'est bon. Je voudrais faire un peu de prophétie. On se rappelle, enfin bon, sous ma génération, peut-être que le Gaulle avait vu le carré. Les chercheurs qui font en cherche, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Ah oui, c'est parce que j'ai dit Donc, c'est dans une hypothèse que ce jeu des routes, on ne sait jamais, ça va arriver, ça va contrôler. Il y a quelques domaines d'activité humaine qui échappent à la quantification, notamment l'art. Et on dit que l'art, on croit que c'est comme un divertissement. D'un cas, c'est la chambre des artistes qui échappe pas à la mode à l'argent. Pour l'instant, on parle d'une société libertaire. Est-ce que le libertaire est possible? D'accord, c'est un autre débat. Il y a un autre aspect de la question, c'est la recherche fondamentale. Oui. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, ce qu'on cherche dans la science, c'est l'utilité de ses applications. Oui. Ce que le libertaire n'échappera pas du tout à cette question. Oui, malheureusement. Et pourtant, on voit de vue, la recherche fondamentale est indispensable pour. J'ai été poli, j'ai laissé une ferme ouverte, mais je pense qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que c'est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société future anarchiste possible, et que de toute manière, on va dans un mur. C'est clair. Donc, par ailleurs, on ne se plaigne pas, il y a plein de possibilités. L'individualisme anarchiste, on a parlé d'individualisme, mais il existe un mouvement individualiste anarchiste qui a été très important et qui considérait qu'on est devant un mur et qu'il faut arriver à trouver les armes dans le mur pour passer à travers. Et que donc, dans la société actuelle, plutôt que de chercher à créer une société future qu'on verra sans doute jamais, on peut déjà faire sa révolution intérieure d'abord. Et deuxièmement, essayer de remplir les conditions normales de vie d'un homme primitif ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire avoir des amis, ne pas penser qu'au fric, etc., avoir un idéal, etc. Enfin, et donc, moi, c'est à travers ce message. Donc, je pense que, pour ce qui me concerne, j'ai une vision individualiste du monde, et donc je cherche à tirer mon épingle du jeu. Si je suis devenu chercheur au CNRS, c'est tout simplement parce que ça m'intéressait de faire ça, et j'avais besoin d'être financé pour chercher. Et donc, l'État était le meilleur financeur, et donc, ma reprise individuelle, ça a été sur l'État. Et j'ai choisi un secteur qui n'a aucune application, parce que là, il y a un problème de découverte. Qu'est-ce que vous faites de découverte? Si j'avais travaillé comme Einstein sur la physique nucléaire, Einstein, d'ailleurs, on l'a soulevé tout à l'heure, vous connaissez l'histoire, c'est très, très, très clair, son message. C'est-à-dire que d'abord, c'était un gars qui voulait rationaliser le monde, c'est-à-dire comprendre. Il voyait bien que le système de Newton n'était pas parfait, il était mieux que le précédent, mais il n'était pas parfait. Donc il a trouvé en effet un système qui était beaucoup plus logique et qui englobait le système de Newton. Et donc il a trouvé toute la théorie de la relativité. entière, vous pouvez avoir une énergie gigantesque. Et donc, il ne s'est pas contenté seulement de donner des possibilités théoriques, c'est que quand les nazis, Hitler, commençait à conquérir toute l'Europe, il a écrit directement au président Roosevelt en lui disant « Utilisez mes connaissances théoriques pour les appliquer pratiquement et faire une bombe atomique pour casser la gueule à Hitler. Hein? » Et donc, sur le coup, ça n'a pas été suivi, et puis après, en tout cas, ça n'a pas été suivi contre les nazis, et la guerre s'est terminée par ailleurs, mais par contre, les Américains, les gouvernants américains ont gardé le message en mémoire, et ils ont détourné des scientifiques comme Oppenheimer, qui a posé des problèmes de cancer terribles, et ils ont fait travailler avec les militaires dans les déserts américains, et puis là, ils ont mis au point la bombe atomique, qui sont allés lâcher sur les Japonais pour arrêter, ils n'ont pas arrêté les premiers nazis, ils ont arrêté la deuxième vague, c'est-à-dire pour bloquer la guerre du Pacifique, et alors ils ont raconté évidemment que c'était pour éviter de faire une guerre sur le Japon, etc., pour économiser les morts, n'empêche, ils ont lancé des bombes atomiques, et pour revenir à notre Einstein, quand il a vu tout ça, hein, parce que lui était juif, donc il était anti-nazi, mais il n'était pas du japonais. Donc il a dit cette formule qui est archi célèbre, qui est vachement jolie, si c'était à refaire, je deviendrais plombier. Parce qu'il était pacifiste intégral. Oui, voilà. Donc vous voyez le problème, c'est pour ça que moi, dans ma recherche, pour mon cas particulier, j'ai choisi un domaine qui n'a aucune application. Voilà. Mais quand même, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit qu'il y a un grand développement de ces sciences, scientologie, enfin, tous ces gens qui cherchent à 14 heures, là, tout ça. Mais en même temps, il y a une force autre qui cherche justement les connaissances actuelles sont tellement avancées qu'elles renouvellent complètement la vision du monde, à mon avis. Et en particulier, ce que les sciences humaines n'ont pas su saisir, cette compréhension, pas plus que les anarchistes et les socialistes, il n'y a que Cerdan, puisqu'on peut la citer Cerdan, c'est le seul que je connaisse, moi, dans tous les penseurs de gauche, qui a su reprendre les domaines scientifiques pour renouveler la gauche. Et dans le domaine des sciences humaines, alors là, ils sont à fond contre les sciences dures, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un combat entre sciences, donc c'est une querelle boutique qui me paraît sans intérêt. Oui, mais en somme, je crois que quand même ça va vers le mieux. On entend plus de choses. Et non, moi je ne suis pas d'accord, ça va vers le mal, moi je trouve. Il va vers le bien que de l'utiliser. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça. C'est-à-dire, moi je vois le verre à moitié vide, vous voyez le verre à moitié plein, oui. Et donc, il y a une autre connaissance en même. Il y a un autre échange. Et vous ne voyez pas qu'il y a un meilleur contrôle des gouvernants sur les individus actuellement? Ils vous manipulent complètement. Vous avez même plus le contrôle de la science, par exemple. L'économie est tellement forte qu'elle a pris le pas sur tout. C'est-à-dire que tout est quantifiable, vous n'avez plus le rapport humain avec les gens, parce que tout est quantifiable. Dans les rapports humains, on le sent bien, ça. Dans les villages avant, puisque vous avez l'air de regarder dans les villages que vous avez connus, il y avait une entraide qui était, puisqu'on a parlé d'entraide, il y avait une entraide qui était autrement plus évoluée que maintenant, où chacun a essayé d'écraser le voisin en gagnant le maximum de fric. Vous trouvez que c'est une forme en progrès, ça? Moi, je ne pense pas. Pardon? Non, mais juste 10 ans, ce que je voulais dire, c'est bon, avoir une éthique, se perfectionner, c'est très très bien, parfait, mais je crois que c'est encore plus improbable d'espérer un changement global de société, du perfectionnement individuel, que d'envisager une révolution sociale. Ça me paraît encore plus hautement improbable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, supposons par exemple, je me perfectionne, tu te perfectionnes, on est quelques-uns ici à se perfectionner, j'espère. Bon, ça n'empêche pas que 99,9% de l'humanité continue à foncer dans le mur. Bon, la solution, c'est de foutre en l'air le mur. Oui, vous avez la solution? Non, j'ai pas de solution. Ah, et c'est pas, je pense pas que la solution puisse sortir toute faite de l'esprit d'un individu. Oui, justement. Non, je pense pas. On attend la fin d'un type de société. Et à mon avis, le problème, c'est pas de savoir si la révolution est probable ou pas, si une révolution sociale. va attendre que le capitalisme nous tue, ou est-ce qu'on va le tuer nous? C'est plutôt comme ça qu'il faut poser le problème. Et vous croyez avoir un rapport de force tel que vous puissiez tuer le capitalisme? Pour l'instant, non. C'est clair. Ouais. Pour l'instant, c'est clair. Maintenant, les rapports de force évoluent. Donc on ne peut pas savoir ce que sera le rapport de force d'ici. Moi, je vois le passé, c'est-à-dire qu'actuellement, le pouvoir de l'opposition sociale est bien plus faible, à mon avis, qu'avant. Avant, il y avait des manifs, etc. Il y avait des trucs, des mouvements qui remettaient en question le système. Il y a de moins en moins. Mais on ne changeait pas le système. Moi, j'ai fait des manifs contre la guerre d'Indochine, après celle contre le Vietnam, et après la guerre d'Indochine, d'Algérie. Et puis finalement, il y a encore toujours la guerre. Donc, des manifs que nous avons faits, des fois, je me dis à la fin de mon livre, je dis, bon, on est encore là. Et il me semble que avec ces échanges d'Internet et tout ça, il y a quand même plus de moyens maintenant d'échanges intelligents, disons, qu'autrefois, parce que quand même, on ne peut pas être passéiste de dire que dans le village, oui, on s'aidait et tout ça, mais quand même, des fois, dans le village, on se tapait dessus aussi. Oui, et entre voisins, il y avait pendant des siècles, le petit-fils, il ne savait même plus pourquoi il était fâché avec son voisin. Donc, il ne faut pas être... dire qu'enfin, c'était mieux. Hein, dans les relations sociales, les relations étaient quand même plus... Il y a eu plus d'entraide dans les villages que maintenant dans les villes, non? D'accord. Il n'y en avait pas plus. Hein. Ah bon? Moi, je n'y crois pas à ça. Moi, je suis d'accord avec Internet. Internet, ça a permis aussi les sex shops, les virus. Oui, d'accord, mais il faut voir aussi ce qui apporte le mieux, parce que ça a toujours... Il y a toujours eu le pire, alors à ce moment-là, eh bien, se plaindre tout de suite, voilà. Il faut se dire que quand même, il y a des choses qui avancent. Par exemple, vous nous faites une conférence comme ça, eh bien, on est quand même un certain nombre de personnes à vous avoir être venues. On a lu certains livres, ça nous a enrichi. On a d'autres choses, donc, petit à petit, je dis que dans nos petites sphères, comme vous dites, on peut faire aussi quelque chose. Oui. Moi, j'habite en pleine ville et moi, je ne suis pas fâchée à mettre ma voisine et on échange des choses aussi. Alors, je ne comprends pas qu'il y a des choses. Si les gens, ils n'échangent pas, moi dans la sphère que je fréquente de gens, on n'est pas comme ça, alors je ne vois pas le monde comme ça. Et puis de ce passéisme, moi ça me révolte parce que je l'ai vécu, j'ai quand même vécu enfant la guerre, et je vous assure que quand même, après la guerre, ben, on se trouvait démunis et que les voisins ne venaient pas tellement en aide parce que c'était aussi chacun pour soi, parce qu'on était fort, alors finalement on était. Nous allons en profiter. Je l'admets pas et je me dis qu'il y a une autre conscience. Il y a quand même une conscience qui s'élève depuis pas mal de temps et qui fait qu'on saura quelque chose quand même. Et puis finalement, ces choses, ces catastrophes naturelles, elles nous disent que l'homme il est bien petit à côté de tout ce qui peut arriver, le naturel. Et quand vous dites par exemple le tsunami, mais d'accord, mais quand même quand vous avez dit que le Gulf Stream, il avait aussi eu des périodes, et on le sait, les services scientifiques, par les étudiants et tout ça, ils savent ce qui s'est passé avant, et que à Bretagne, par exemple, c'était la glace et tout ça. Bon, et pourtant, il n'y avait pas les usines qui ont pollué de cette période-là, vous voyez. Je veux dire, quand il y a eu ce changement aussi dans cette période-là, il y a du blanc, et pourtant il n'y avait pas le problème de pollution des usines et tout ça. Il y a quand même, la terre, elle vit, c'est un truc truc vivant, et il a des changements qui se font sur des milliers d'années. Nous, on vit un petit espace, avant on vivait 30 ou 40 ans, on a 50, maintenant on peut vivre jusqu'à 100 ans, on s'en fout, quoi. Alors c'est trop peu pour voir les choses. Mais tout change, quoi, finalement. Hein. Oui, je suis d'accord sur le principe. Mais quand vous êtes, par exemple, quand vous avez dit sur Élisée Reclus, il disait, en somme, il fallait étudier la géographie et les personnes qui habitaient sur cette géographie. C'est quand même très intéressant. Oui. Et c'est très intéressant, justement, du fait que Élisée Reclus fait ses centenaires cette année. C'est l'occasion de remettre on parle des idées qui, etc. Et ceci dit, il y a une injustice à l'égard des Reclus pour le passé politique. Et par exemple. Parce qu'il est démarqué politiquement. Et j'ai écouté dernièrement une émission à la télévision sur Jordan Bruno. Eh bien, c'est un bonhomme bien à lire, quoi. Oui, non, et en somme, lui, il a cette tendance de dire c'est chacun pour soi, c'est chacun autour de nous qu'on fait la vie, oui. Et qu'on prend conscience de certaines choses. Oui, en tout cas, moi, je dois répondre. Oui, de mon côté, c'est quand même, c'est un peu difficile. Vous avez raison de regarder le côté politique des choses, parce que moi, je suis obligé d'alerter l'opinion sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte de la situation qui arrive, comme vous disiez. Actuellement, la situation non seulement est grave, mais surchante. Or, les gens disent, oui, je trouve que ça a toujours existé, il n'y a pas de raison. C'est l'histoire, d'ailleurs, la meilleure parabole, si je puis dire, c'est l'histoire du gars qui sort par la fenêtre, et qui, chaque fois qu'il passe devant un étage, dit, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Bon, ici, tout va bien. Bon, le problème, c'est qu'on sait qu'il y a le sol qui va arriver, et que dans la planète, c'est pareil, elle est limitée, et il y a beaucoup de monde. Donc, c'est ça qui pose le problème, c'est pour ça que moi, j'exagère, si vous voulez, dans le côté négatif. Il n'en reste pas moins que le contrôle des gouvernements sur les individus est beaucoup plus fort qu'avant. Hein. Attention, et sur le plan politique, il y a beaucoup moins d'issues qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus facile. Il y a eu quelques avancées quand même. Vous disiez que vous n'avez pas pu lutter contre le Vietnam, etc. Mais quand même, sur le plan des conquêtes sociales, 36, etc., ça n'a quand même pas été négligeable. Oui. À mon avis, ça, c'est en train de se verrouiller actuellement. Pourquoi? Parce que justement le tiers-monde accepte de travailler tellement bas, et puisqu'il y a une concurrence telle que le boulot est en train de partir, et que là on est dans la mondialisation, non seulement sur le plan de l'écologie, c'est-à-dire des ressources naturelles, mais sur le plan de l'économie, c'est-à-dire que vous n'avez pas de boulot parce qu'il y a un gars qui travaille au millième de votre salaire à l'autre bout du monde. Donc là il y a un problème, et actuellement c'est quand même un problème qui est lourd, hein, c'est-à-dire qu'il y a une conséquence directe sur votre avenir. Hein. Donc, pour un problème qui a été soulevé là, par plusieurs personnes, c'est le coût de la recherche. Bon, il est bien évident que ça coûte cher la recherche, ne serait-ce que les salaires et tout comme ça, mais on peut l'orienter, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. Actuellement, jusqu'à présent, c'était chacun faisait ce qu'il voulait, plus ou moins, théoriquement c'est pas ça, mais en pratique c'est ça. Et puis, là, ils sont en train de changer complètement les règles du jeu pour orienter la recherche et l'université vers le pratique, c'est-à-dire l'appliquer, ils veulent faire du fric. Hein. Et donc là, comme ils ne vous demandent pas votre avis, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en réalité, vous devez avoir un contrôle de la situation. Pour en revenir aussi au Internet, moi je pense, j'ai du bien et du mal dans Internet aussi, vous avez choisi comme d'habitude, vous avez une vision optimiste du monde, vous avez choisi le bon côté, et je suis d'accord qu'on doit s'adapter, et ça c'est le message individualiste anarchiste, si je puis dire, dans chaque société, il faut trouver la faille pour arriver à exploiter tous les avantages. Internet, par exemple, Craig ou Google, vous utilisez très bien Internet, c'est très bien, parce qu'actuellement, ça permet d'avoir des contacts avec des tas de gens. Actuellement, vous pouvez faire une communauté, comme avant, on avait une communauté, une tribu, ou je ne sais pas quoi, on peut faire une communauté de gens qui pensent la même chose, qui soit n'importe où dans le monde. C'est pas beau, ça. Oui, mais on peut l'utiliser autrement. On peut utiliser l'informatique aussi autrement. Oui, il y a des moyens informatiques, il y a aussi des moyens d'action directe possibles à ce niveau-là, je pense. On peut pirater pas mal de choses, on peut introduire des virus dans les appareils Meta, on peut faire beaucoup de choses. On peut pirater l'armée, on peut faire plein de trucs. La famille terroriste. Non, je peux juste demander, vous avez dit deux fois parler de la science politique des choses, je voulais vous demander encore. Ah, alors oui, c'est intéressant comme question. J'ai abordé le problème, mais ça demanderait plus que même une conférence, ça demanderait 10 conférences, mais je l'ai rapidement évoqué quand même. C'est-à-dire que d'une part, le problème de l'évolution, ça renouvelle complètement la vision de l'homme. C'est-à-dire que déjà, le regard sur l'animal n'est plus le même. C'est-à-dire que l'animal, c'est plus quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme. Regardez dans le monde actuel dans lequel on vit. On est les héritiers d'une tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire le monothéisme. Judaïsme, christianisme et islam. Alors là, on revient en arrière en ce moment avec la lutte entre l'islam et le christianisme américain, mais il n'en reste pas moins que le monothéisme, c'est quand même une vision progressiste et exploitant les recherches, les ressources naturelles à l'extrême. Avant, les religions, sans entrer dans la philosophie, mais simplement déjà les religions traditionnelles étaient des religions polythéistes. C'est-à-dire, il y avait plein de dieux, vous aviez un dieu de plus, pourquoi pas, c'était la tolérance, je rencontre l'Inde, là, il y avait l'hindouisme, ils ont des milliers de dieux, chacun préfère son dieu, bon, je préfère pas de dieu, mais en tout cas, c'est plus tolérant qu'un seul dieu qui dit tous les autres sont des cons, et je les tue. Or, actuellement, que ce soit avec l'islam, et même le christianisme qui est moins agressif, mais qui est quand même intolérant au possible, vous avez, hein? Il n'est plus en position de l'être. Mais actuellement, c'est l'islam qui a pris la place. Actuellement, il y a un problème. En tout cas, on va pas entrer dans un dialogue, on ne m'entend plus. Mais en tout cas, actuellement, il y a un problème de fond, c'est-à-dire les connaissances évoluent. Actuellement, le fait qu'on sache qu'on est relié à l'animal, qu'on est dans un monde qui est limité d'écologie scientifique, elle est liée directement à l'écologie politique. Moi, je ne suis pas vert, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un lien évident. Moi, je vous racontais l'histoire de l'aquarium tout à l'heure. Bon, comment voulez-vous? Moi, je passe ma vie à étudier des animaux, je vois que les populations se régulent, et puis j'entends les politiques qui vous disent qu'il n'y a aucun problème, on continuera, après le pétrole, on pourra autre chose, la bombe atomique, il n'y a pas de problème. Quand, là, par contre, je trouve que vous êtes inconsciente avec l'histoire de l'énergie nucléaire que tout le monde doit avoir. Parce que là, attention, vous ne vous rendez pas compte, vous mettez le doigt. L'énergie nucléaire, ce n'est pas réversible. C'est-à-dire que si Saddam Hussein avait eu vraiment une bombe nucléaire, si Kadhafi ou autre dingue a une bombe nucléaire... Oui, mais nous, est-ce qu'on n'a pas été des dingues aussi à faire... Ah, moi, le niveau, même si je pense pas beaucoup de vie de Chirac, je préfère Chirac avec Gazi en trop de mots à Ben Laden ou à tous ces dingues sont dangereux, et actuellement le président de la Corée là, s'il a de l'énergie nucléaire, ce qui est probable, c'est un gars demi-fou. Et ce gars là d'ailleurs, c'est pour ça que les Américains sont obligés de baisser avec l'autre et de s'écraser. Ils préfèrent taper sur la Syrie ou sur l'Iran, parce que ils n'ont pas d'énergie nucléaire. Donc attention, tous les rapports de force, vous ne les voyez pas. Ils sortent, c'est ça qui est derrière. Actuellement, l'histoire de Bush, c'est pas d'abord une pause débile qu'on raconte. Il y a des gens derrière qui pensent très bien. Et puis deuxièmement, et qui est en train de contrôler les ressources pétrolières, parce que c'est l'avenir de celui qui aura la ressource pétrolière dans les 20 ans qui viennent. Contrôlera toute la suite, et d'autre part, il est le bon côté, si je puis dire, des Chirac, des Bush et de toutes les civilisations industrielles, c'est qu'ils sont quand même plus raisonnables, entre guillemets, ils voient bien que l'énergie nucléaire, pourquoi par exemple, Khrouchtchev et Kennedy ne sont pas en train d'une guerre nucléaire, alors qu'ils avaient toutes les raisons, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était sans solution, c'est pour ça qu'ils ont été si raisonnables. Actuellement, or, si vous faites appel à des gens plus raisonnables comme l'était Khrouchtchev et Kennedy, c'est mieux que de se retrouver entre la guerre entre Pakistan et l'Inde ou Corée du Nord contre Corée du Sud. Donc entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et pour en terminer sur l'individu énergiste, l'évolution. L'évolution. Vous avez compris le truc là, l'évolution, ce que ça pose en fait. Cette évolution, c'est pas seulement des découvertes scientifiques. C'est des découvertes philosophiques, c'est-à-dire ça vous remet votre position, vous êtes plus seulement, par exemple, l'homme de Flores qu'on vient de trouver, là, le petit un maître qui a un cerveau de singe et qui était tout, qui a disparu récemment, s'il était toujours là, ce qui aurait pu arriver tout à fait, eh bien vous seriez dans la planète des singes, c'est-à-dire dans le roman, c'est-à-dire vous auriez un petit bonhomme dont vous seriez plus qu'un homme, un animal. Est-ce que c'est un singe, est-ce que c'est un homme, vous ne seriez plus. Donc ça pose des problèmes de base de science humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme? Après, ça c'est l'évolution, mais vous avez l'anthropologie, j'ai parlé des tribus soi-disant primitives, et qui en réalité se révèlent, à mon avis, et l'avis de certains, beaucoup plus avancés que nous, parce qu'ils ne sont pas entrés dans ce phénomène où on se fait piéger par l'économie, parce qu'après il y a eu la guerre, vous comprenez, l'histoire de la... maintenant on sait, avant c'était une préhistoire, on ne savait pas ce qu'il y avait, maintenant on sait que vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, dans la civilisation d'Indus et en Égypte, on a commencé à trouver l'astuce de cultiver, donc on a pu augmenter énormément la production agricole, donc on a nourri de plus en plus de bouches, donc les enfants ont été nombreux, mais par contre on devenait la proie des pillards voisins, qui voulait vous piquer vos graines. Donc vous étiez obligé de mettre en place une armée pour défendre vos graines. D'autre part, si vous mettiez une armée pour défendre vos graines, les femmes ne sont pas douées pour faire la guerre, on mettait des hommes qui prenaient un ascendant sur les femmes. Les femmes faisaient le tracteur. Donc vous rendez compte que tout s'est mis en place à cette époque, et c'est ça notre héritage. Or, comme je vous le disais, on sait maintenant dater ces trucs-là, ce qu'on ne savait pas avant. Et on sait que ces 2 millions d'années, les hominidés, alors qu'on sait que l'agriculture, l'élevage et tout, c'est-à-dire la civilisation, c'est 10 000 ans. Donc c'est-à-dire 5 minutes sur 24 heures. Donc on nous pompe l'air avec les 5 minutes qui restent, les 5 dernières minutes, alors que 23h 55 se sont passées et qu'il n'y avait quasiment pas de guerre. On le sait scientifiquement, ça c'est pas une opinion. C'est-à-dire qu'on a des pointes de flèche qui montrent que dans les couches très anciennes, il n'y en a quasiment pas. Et puis dans les couches récentes, c'est-à-dire les quelques dernières dizaines de millénaires, là, il y en a partout. Moi, j'allais à 100 mètres de chez moi, de ma maison. Il y a des coins couverts de pointes de flèches qui veut dire que les gars se sont fait la guerre. Donc, vous rendez compte que ça renouvelle, ces connaissances renouvellent complètement la vision de l'homme et de son histoire. Alors, je pourrais parler de d'autres connaissances comme la neurobiologie. En neurobiologie, avant, on cherchait qu'est-ce que l'âme, etc. Mais là, on sait qu'elle n'existe pas, on l'a jamais trouvé, évidemment. Et qu'en réalité, c'est une production du cerveau, la pensée, c'est tout. Hein. Et on sait, on reconstituer les déplacements, etc. Les maladies du cerveau, on sait comment ça marche maintenant. Le langage, qui est le verbe dans la religion, vous avez le verbe qui est à la base de tout. Eh bien, on sait que c'est pas un truc magique. En réalité, les animaux ont un langage. On l'appelle pas, évidemment, langage parce que ça fait pas sérieux. En réalité, on a été orienté par notre éducation judéo-chrétienne, c'est-à-dire que déjà, les mots sont piégés. Intelligence réservée à l'homme, langage réservé à l'homme, culture réservée à l'homme. Or, c'est pas vrai. La culture, il y a des cultures animales, il y a même chez les oiseaux, il y a le langage. Quasiment toutes les espèces parlent. Elles ne parlent pas, évidemment, un truc aussi compliqué, mais il n'y a pas de différence de qualité, il y a une différence de quantité. Et Darwin le disait très bien, ça. Et Darwin, justement, quand on a essayé de le pousser comme Spencer vers le darwinisme social en disant, regardez, c'est la preuve que l'homme blanc, industriel, est le meilleur, il a dit, non, j'ai pas dit ça. Et c'est pour ça que là, il y a quand même une différence qui est très importante. Darwin ne s'est jamais fait piéger ni par les histoires de darwinisme social, ni par la vision de l'homme au-dessus des animaux et des sociétés primitives. Il connaissait très bien les Fuégiens qu'il a croisés à la frontière du Beagle en Patagonie, et il estimait que ces gens étaient assez extraordinaires, mais que c'était des hommes comme les autres. Donc, il n'a pas les défauts qu'on a cherchés ensuite en disant darwinisme, vision, agressivité, compétition, etc. Donc, vous voyez, alors je pourrais vous prendre des millions d'exemples là, parce qu'on pourrait parler à terme de vue. Moi, je voulais juste, d'abord, il y a un problème que vous m'apportiez une réponse en tant que scientifique, parce que j'ai vu un documentaire, un reportage plus exactement, où on voit des scientifiques qui ont fait des prélèvements dans l'océan, ils sont amusés à aller chercher dans des coquillages qui étaient ensevelis depuis des millions d'années, et c'est comme ça qu'ils expliquaient donc l'histoire du Gulf Stream qui amorce la désalinisation ça va faire qu'il va s'arrêter et que donc on va se retrouver avec des icebergs au large de la Ciotat. Alors eux, je craignais rien. Parce que dans le reportage, les gens, là, les scientifiques, ils parlaient que justement que ça descendait jusqu'à l'air, enfin jusque. Il y avait la moitié une grande partie de l'Europe, de toute façon, qui serait ensevelie sous la neige. Et donc, ils disent que donc ce phénomène-là va se passer comme on éteint la lumière dans une pièce. Oui, voilà. C'est tout ou rien, ça va basculer. Voilà, alors je voulais savoir, donc ça, si c'était véridique, si ça... Ah, oui. En même temps, enfin, ils disent que ça peut se passer dans 20 ans comme dans 500 ans, hein, bien sûr. Mais est-ce que ça se passe justement à cette vitesse, à la vitesse de pouf qu'on allume ? Absolument. C'est un système bascule. C'est-à-dire que on sait que ça s'est déjà passé. Voilà, oui, oui. Mais on ne sait pas prédire combien de temps ça va prendre. Donc, on ne sait même pas si ça va se faire. Mais on sait que ça s'est déjà passé et que si ça se passe, c'est un phénomène brutal qui d'un seul coup, bloque. Si le cold stream s'arrête, en hiver, toutes les côtes de l'Atlantique seront couvertes de glace. Donc, l'Atlantique Nord, oui, on le met à partir de Rochelle, attention. C'est facile à comprendre, d'ailleurs, regardez une carte du monde, vous voyez que la Rochelle, c'est la même latitude quasiment que le Québec. Donc, pourquoi, si vous enlevez le courant chaud, actuellement, vous évitez le courant chaud. Si ça se produit, ça s'est déjà produit. Le mieux encore, c'est que le pire, si je puis dire, le mieux, tu vois, c'est que il y avait un scientifique, alors plusieurs scientifiques, qui ont dit le Gulf Stream risque de s'arrêter, attention, danger si la température monte. Et c'est à la suite de ça que ces gars-là sont allés faire des prélèvements pour voir si ça s'était déjà passé. Et là, ils ont dit oui, ça s'est déjà passé. Donc attention, ça progresse du mauvais côté. Tout à l'heure, on parle justement de la société qui va dans le mur et tout ça. Moi, je suis un militant, pas écologiste, parce que j'aime pas trop ce mot, quoi. Je suis plus un militant de la protection de l'environnement, quoi. Et si je suis anti-nucléaire, je sais bien pourquoi je suis anti-nucléaire. Je suis pas anti-nucléaire parce que je suis anti-nucléaire, c'est parce que j'en connais les répercussions, quoi, sur la santé humaine. Et pour plein d'autres choses comme ça. Je trouvais que c'était un peu injuste ce que tu as dit, monsieur. Autant les OGM, c'est pas argumenté scientifiquement, autant actuellement les anti-nucléaires sont très argumentés. Bon, même si dans le combat, on peut le remettre en question dans le combat, parce qu'évidemment, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont le freiner. Ça, c'est d'ailleurs, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'aperçois, moi, quand j'ai démarré, moi, qu'on m'a poussé un peu dans le militantisme quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, le combat anti-nucléaire était beaucoup plus radical qu'il l'est maintenant. Hein. Maintenant, c'est relativement soft. Bon, ceci étant dit, moi, je me souviens, j'avais un copain à l'époque qui faisait des conférences anti-nucléaires, il se promenait un peu en Europe, et c'était un militant acharné de la lutte anti-nucléaire. Bon, il a quand même eu la DST qui sont venus chez lui et qui lui ont dit, écoute, faudrait que tu te calmes un peu parce que n'oublie pas que tu as des enfants, quoi. Alors, ça veut dire que le combat était quand même bien radical, mais aussi, de l'autre côté, il y avait quand même l'appareil d'État qui était là et qui n'hésitait pas à envoyer des mecs pour dire, tu vas te calmer parce que sinon, tu vas avoir des problèmes, quoi. Donc, c'est vrai que ça c'est les mouvements se sont un peu, ils sont devenus un petit peu plus light et puis bon, ça leur permet aussi de s'essouffler assez rapidement. Et donc justement, comme on est parti, l'humanité est partie dans le chaos, moi j'aurais voulu voir un peu ce que vous pensez de ce truc qui vient là, en ce moment. Enfin, je sais pas, c'est pas un effet de mode. Enfin, pour moi, c'est pas un effet de mode. Que moi j'ai toujours pensé que c'était un petit peu la solution, et ça revient à ce que disent les civilisations primitives ou amérindiennes, c'est-à-dire le fait de revenir, de vivre en harmonie avec la nature. Toutes les religions avant le monothéisme expliquaient bien que l'homme est dans la nature, ce qui est évident. Mmh. C'est le monothéisme qui a inventé que l'homme était contre la nature, c'est complètement idiot. Comme c'est écrit dans la Bible, coloniser. Mais justement, alors c'est cette idée-là maintenant là, dont on parle de plus en plus, et on retrouve de plus en plus de gens qui militent sur cette idée-là, c'est-à-dire l'idée de la décroissance. Est-ce que vous pensez que justement, puisqu'on est parti dans le mur, est-ce que la décroissance, parce qu'elle va arriver, puisqu'il y a des gens qui disent que de toute façon, quand il y aura plus de pétrole, ce sera terminé, quoi. Donc il y a ceux qui militent pour la décroissance, et moi j'en fais plus ou moins partie, mais il y a ceux qui disent que la décroissance c'est un phénomène qui va nous tomber dessus comme une averse, c'est-à-dire que tout d'un coup on va se retrouver dans un puits de pétrole. Et là donc justement, moi j'ai vu dernièrement des gens qui disaient qu'il fallait justement se préparer à ce phénomène-là parce que automatiquement, puits de pétrole égale le bronx et le chaos. Et donc, il allait falloir s'y préparer parce que, évidemment, on n'aurait plus de chauffage central, ce sera vachement plus dur. Il n'y aura plus de bagnole pour aller acheter à bouffer plein de VM chez Carrefour. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Il y a plusieurs réponses à donner, puisque c'est là où c'est riche la question, c'est-à-dire que d'une part, par rapport au nucléaire, bon, c'est vrai qu'actuellement, il est presque plus discuté, parce qu'il faut voir que vous êtes dans une société en France, il faut comparer avec les autres pays, vous n'avez pas la vision d'ensemble, moi je voyage pas mal, donc je le vois, à l'étranger, quasiment personne n'est pour le nucléaire. C'est une originalité française de tout nucléaire. Et de la même manière qu'il y a une offensive obscurantiste contre le rationnel, il y a une offensive pro-nucléaire contre. Avec des arguments écolos. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des pubs dans Nouvelle Obs qui vous disent pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut le nucléaire. Donc, vous devez vous empêcher les déchets nucléaires pour arriver à faire l'écologie. On voit, d'ailleurs, moi je connais des gens, ils ont recruté des biologistes au CEA. Pour leur donner des arguments qui maintenant ils pratiquent à des intérêts. C'est-à-dire et c'est comme la CIA, ils ont des gens qui sont spécialisés et qui leur apprennent comment. Avant, ils avaient un discours qui était tellement primaire que ça passait pas. Mais là, ils sont devenus beaucoup plus fermes. C'est-à-dire que maintenant, ils entrent dans l'écologie et ils la retournent contre elle. Et donc, attention, danger. Hein. Ensuite, deuxièmement, oui, décroissance. Moi, je crois. C'est bien de militer de toute manière, chacun fait. Moi, dans la mesure où je fais ce que je fais, c'est presque le militantisme, mais je vais bien voir la ligne de vie. Je suis en train d'essayer de vous remuer, etc. Mais il n'en reste pas moins que moi, je pense, c'est mon petit avis personnel, mais j'espère que je me trompe, mais je crois que malheureusement ça va être le cas, qu'on n'arrivera pas, par le militantisme et par l'action, à faire quoi que ce soit. Mais il va arriver de telles catastrophes dans les 50 ans que ça va se faire tout seul. Alors le problème, c'est comment ça va basculer. C'est-à-dire que soit il y aura encore suffisamment de démocratie pour que l'opinion publique prenne conscience, et là ils vont vraiment prendre conscience, et pour qu'elle elle agisse dessus, soit il y aura tellement de chaos que là ça va être un système à la bouche où plus il y a de merde, plus on en profite. Et donc là, on risque de voir comme les science-fiction, Mad Max, c'est comme ça. Alors là, c'est le chaos. Alors là, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne suis pas de même. Je ne pense pas que ça suffise de militer, mais de manière, je ne vais pas m'en critiquer ceux qui militent, parce qu'ils ont bien du courage de le faire. Mais il n'en reste pas moins que je crois plutôt que ça va se basculer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une prise de conscience par la population, quand il va y avoir vraiment la merde, que ça ne sert à rien de les laisser de réexpliquer. Ils ne comprendront pas tant qu'ils n'auront pas le nez sur le mur. Et puis alors, pour terminer, oui, vous parliez, vous disiez que vous n'étiez pas pro-écolo, etc. Il faut voir qu'actuellement, on arrive dans une époque, d'ailleurs vous l'avez la deuxième partie de votre observation, vous avez plus ou moins suggéré, où l'écologie et l'économie se rencontrent. C'est-à-dire que l'écologie, ça devient, d'ailleurs, la définition de l'écologie, c'est l'économie de la nature. Et l'économie de la nature, elle est en train de s'appliquer à l'économie humaine. C'est-à-dire, comme on est à une échelle planétaire, si Marx revenait, je suis persuadé qu'il n'écrirait pas la même chose. C'est plus seulement un problème économique, hein. C'est un problème écologique. Et les deux sont réunis. Vous voyez bien l'histoire du pétrole, c'est évident qu'il va y avoir des retombées sociales. Hein. Quand il n'y aura plus de pétrole, et s'ils trouvent rien pour le remplacer, ce qui prend le chemin, il va y avoir des énormes catastrophes sociales. Hein. Et donc là, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est complètement idiot en France, le système là, des Verts qui ont leur truc. Nous, on est les propriétaires de l'écologie. En réalité, si le Parti Socialiste et la droite ne s'en occupent pas beaucoup de l'écologie, c'est parce qu'ils sont en retard, c'est tout. En réalité, c'est une préoccupation qui intéresse tout politique, hein, et tout citoyen. Oui, de toute façon, il y en a qui le reconnaissent, que de toute façon, au niveau de certains problèmes, ils reconnaissent qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas su maîtriser à une époque. Et puis il y avait aussi que, par exemple, un phénomène que je connais bien, puisque j'ai grandi en Savoie, c'est les phénomènes, justement, on en revient, on parlait de le tsunami, bon, on n'y peut rien, hein, c'est la planète, les conséquences, mais justement, il y a des conséquences humaines, par exemple, moi je vois en Savoie, c'est qu'il y a de plus en plus d'avalanches en hiver, et en été, quand il pleut beaucoup, notamment à l'automne ou au printemps, plus au printemps, il y a énormément de coulées de pluie. Là, il faut distinguer, c'est-à-dire que les avalanches actuelles qui se produisent, il y a des tas de problèmes d'inondation. Par exemple, vous savez que dans le problème du réchauffement global, il va y avoir une augmentation du niveau de la mer. Et que la Camargue commence à être salinisée, c'est-à-dire que le sel commence à passer à travers et à stériliser tout, et que des pays gigantesques et très peuplés comme le Bangladesh vont se retrouver sous l'eau. Et qu'il y a des îles qui commencent à disparaître. Dans le Pacifique, il y a des îles où les gars ont les pieds trempés à la moindre tempête. Donc ça, c'est provoqué par l'homme directement, de même que les avalanches, etc. Les stations de ski sont condamnées à avoir plus beaucoup de neige dans l'avenir. Bon, mais par contre, alors ça c'est uniquement dû au réchauffement global, c'est-à-dire l'augmentation de CO2 due à l'industrie et au bagnole. Donc là c'est directement dû à l'homme. Dans le cas du tsunami, comme il a soulevé d'ailleurs, il faut distinguer les deux niveaux. C'est-à-dire le tsunami, c'est pas l'homme qui a fait balader les plaques, qui ont fait le truc. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, et là j'en viens actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, sur toutes les côtes de ce coin-là, il y avait des mangroves, c'est-à-dire des forêts de palétuviers qui avançaient très loin en mer. Et donc, ils ont coupé tout ça, ils ont fait des plages et ils ont emmené des touristes. La population a suivi parce qu'il y avait du fric. Et donc, maintenant, ils sont juste en face, et quand le tsunami est arrivé, il n'y avait plus de protection. Donc, justement, il y avait un des chercheurs indiens qui cherchait un sujet de travail. J'ai dit, étudiez, faites la comparaison entre le nombre de morts dans les zones où il reste la mangrove et les zones où on a enlevé la mangrove. Et là, vous allez prouver, à tous les coups, que la mangrove, en la supprimant, vous avez augmenté l'effet du tsunami. Il y avait un mec de Greenpeace qui l'avait soulevé, l'histoire de la mangrove. Oui, mais il faudrait le quantifier, c'est facile. On a toutes les côtes, on sait où sont les morts, on n'a qu'à rajouter dessus la carte de la mangrove, et on prouve que la mangrove protégeait les côtes. On déduit de l'apparition des pointes de flèche, l'apparition de la guerre, mais qu'est-ce qu'on peut passer du bourdin? Disons de toute manière, les hommes préhistoriques comme les hommes des tribus actuelles ont à la fois des parties qui restent, c'est-à-dire comme les os et les pieds, et puis des parties qui disparaissent comme le bois. Donc en réalité, il nous reste le bois et les os, mais dans la mesure où on voit par exemple un silex taillé qui était emmanché sur une lame, on suppose que la lame c'est derrière. Oui, bien sûr. Non mais ça c'est l'utilisation des racines, par exemple, on cherche tous nos racines, si vous voulez, ça fait beaucoup rire. C'est vraiment que l'utilisation, la pratique. Et, bon. Des rimes en même temps. Je ne sais pas à quelle heure on va se faire arrêter. Pas trop tard, parce que. Encore un quart d'heure, parce que c'est pas très bon. Oui, Pierre, il arrive bien, et il faudrait quand même retrouver sa. Bah, c'est pas tes racines, mais après. Ses racines de palmier, mais tout. Comme il rentre rapidement. Vas-y. Peut-être qu'on n'a pas trouvé les flèches au néolithique, parce que c'était plus radar. Ce que je voulais dire, c'est c'est sur un individualisme anarchiste dont on a parlé un peu. Moi j'ai un grand regret, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas où ils sont. Il y en a, je sais qu'il y en a, j'en fréquente, mais il n'y a plus la force qu'il y avait à un temps, c'est fini, depuis les années 80 on ne les voit plus, ils n'écrivent plus. Et ils nous aidaient quand, aujourd'hui dans l'anarchisme, ce qui est très haut, c'est le communisme libertaire. Et le communisme libertaire, c'est quelque chose qui malheureusement fond dans le mur et ne se pose pas la question du devenir révolutionnaire. Et moi je le vois comme ça, c'est très critique, étant plutôt communiste libertaire, mais c'est très critique. Et les individualistes avaient au moins un avantage, c'est pas des gens qui disent ce qu'il faut faire, mais c'est au moins ils avaient des réflexions et ils nous permettaient un peu de savoir, eux ils parlaient, ils agissaient aussi sur eux-mêmes, c'est ça qui est intéressant. Et c'est que combien de fois je fréquente aujourd'hui des militants et des militantes qui ont beaucoup de paroles, beaucoup de leçons qu'ils donnent aux autres, mais quand tu vas chez eux après, tu vois comment ils vivent, tu te poses une question, mais moi, ils comprennent bien d'ailleurs, attention, je ne suis pas tout ça. Et les anarchistes individualistes avaient cet avantage-là, c'est que, ils critiquaient pas mal, je ne sais pas comment exprimer ça, mais, ils nous permettaient de. Tout ce qui est le droit des femmes, qui en a parlé en premier au début du siècle, le nudisme, après le végétarisme, je ne sais pas que je vais courir à l'anarchisme, mais c'est une grande partie, les individualistes anarchistes qui en ont parlé, l'écologie, la remise en question de l'homme et de la nature, ça, tout ça, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de mal à trouver ces lectures et ces gens avec qui échanger, qui ont déjà pensé à ça. Dès qu'on va parler avec quelqu'un qui est sensibilisé à ça, c'est un peu, juste un dans un squat. Aujourd'hui, les individualistes, on les retrouve énormément dans les squats. Ils refusent la propriété privée. On va dans les endroits, les squats, ils sont vides. On se fait virer. Enfin, c'est pas important, c'est le squat. On va ailleurs. Et c'est là où, je trouve, c'est vraiment très personnel comme réflexion. Et c'est grâce à eux et à elles qu'on peut savoir un peu où aller dans ce monde. Le communisme libertaire à l'état pur, c'est on rentre dedans et on va détruire et on va pas toujours chercher à créer. Il n'y a qu'à voir les contre-sommets, c'est un phénomène qui a été développé grâce à Internet, entre autres, ça c'était l'avantage, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, Internet, après avoir eu un mail, après avoir envoyé son mail, on a fait la révolution. On l'éteint son ordinateur, et les liens entre êtres humains, ils se pompent. On l'éteint pas toujours, mais ils se pompent plus les liens entre êtres humains. On ne voit plus des personnes venir dans les villes et puis essayer de discuter, essayer de raboter, de pousser les gens à se révolter. C'est tout par Internet. Et le contact, moi, je cherche encore des fois. Ça, c'est une opinion personnelle. Puis juste, pour fermer la parenthèse, c'est faut aussi arrêter de voir la télé. On a parlé beaucoup de télé. Le discours que tu dis, là, ce que tu dis, c'est vrai, de toute façon. Il y avait les chefs du clic qui disaient de toute façon qu'il y avait une critique justement des mouvements qui s'étouffent, qui disaient de toute façon maintenant les mecs ils font la révolution via Internet, ils ont fait leur révolution, ils sont contents, ils vont se coucher, ils ont la conscience nickel. Je fais partie de ces gens-là, je tiens à dire que. Moi je fais partie de ceux qui prennent l'info, mais moi je milite dans la rue parce que ça permet des fois de gueuler, de se faire engueuler, de rencontrer des potes et puis d'aller boire une bière. Il n'y a pas de raison d'opposer les points de vue, à mon avis. Toute action sociale subversive est encouragée. À mon avis, les guerres intestines, c'est vraiment pas utile. On est déjà si petit. À propos de l'individualisme, je sais pas qui est posé là. Ceux qui n'ont pas lu, comme le c'est pas Mais on retrouve le discours avec les Indiens, avec les Amérindiens, avec les Indiens, on retrouve ce discours des gens qui. C'est au mois de novembre, je suis allé à Aix, pour faire des malades. Il y avait des Indiens Kogi qui venaient. Quoi. C'est un géographe, justement, qui est allé en escalader qui fait de l'alpinisme. tourisme à temps perdu, quoi, elle est allée escalader une montagne dans la Sierra, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sierra Montana, c'est au nord de la Colombie. Et c'est la seule montagne de la planète qui a les pieds dans l'eau, qui est au bord de la mer et qui monte à, je ne sais plus combien, 4000 quelques mètres. Et le mec, il a voulu donc se faire cette montagne, rajouter cette montagne à son palmarès, et il a fait une... en montant, dans son ascension, il est tombé, quoi, il a fait une pneumonie, et il s'est réveillé dans un village chez les Kogi. Et il s'est réveillé dans le village, et c'est des Indiens, enfin, qui sont issus certainement des Amérindiens, et qui sont c'est les derniers Indiens de... comment ça s'appelle de l'ère précolombienne. C'est les derniers. Et donc, ils l'ont soigné à grands coups de tisane, de plantes vertes, ils l'ont remis sur pied. Et donc, après, il est reparti en Europe et les Indiens, il a dit, bah, écoutez, vous m'avez sauvé la vie, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Et les Indiens, ils ont dit, il faut que tu ailles... Alors, ces Indiens, ils appellent les petits frères. Alors, ils ont dit à ce géographe, ils lui ont dit, bah, écoute, il faut que tu ailles voir les petits frères, et que tu leur expliques qu'ils sont en train de détruire notre mère, la nature, d'où l'harmonie, parce que eux, Dieu, ils n'ont rien à foutre, il n'y a pas de Dieu créateur et tout ça. Pour eux, ils sont issus de la mer, de leur mère, de la mère nourricière, c'est-à-dire la terre. Et alors, ils lui ont dit, il faut que tu ailles voir les petits frères pour leur dire qu'ils sont en train de détruire notre mère, la terre, et que automatiquement, c'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour eux, mais c'est pas bon pour nous non plus. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils sont pris entre la guérilla colombienne, les narcotrafiquants, et il y a un troisième truc qui, de temps en temps, fait des descentes dans les villages et en flingue un petit peu comme ça, parce qu'il y a des mouvements d'armement, enfin de trafic d'armes et tout ça. Donc ils sont pris entre trois guerres, quoi, tu vois. Et alors, ils commencent un peu à fatiguer les mecs, quoi, parce qu'eux, ils vivent tranquilles, pour eux, tout va très bien, enfin, bon, ils vivent en harmonie, pleinement en harmonie avec la nature, et en plus de ça, bon, ils développent plein de connaissances au niveau des plantes, au niveau de la culture, ils ont des méthodes pour cultiver qui sont complètement, complètement folles, quoi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de pesticides ou de conneries dont on utilise, nous, pour... Et alors ils lui ont dit à Julien, il faut que tu ailles. Et c'est comme ça, donc il a monté une association et puis il a dit, bah, écoutez, d'accord, je vais vouer mon existence à faire passer le message et à vous faire connaître. Et donc il en a fait venir trois au mois d'octobre, c'était ouais, en octobre, fin octobre. Et donc il avait organisé une tournée. Donc il venait à Paris, Lyon, Marseille. Montpellier, d'aller en Allemagne et en Suisse. Et on retrouve donc qu'ils venaient, ces gens-là, pop. Alors ils disent, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire et ne pas faire, on est là pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de nous, nous qui vivons, tous nous dans les arbres, hein, ils disent, d'ailleurs c'est le travail des hommes, enfin, dans leur société, chacun fait ses fringues, voilà, comme ça c'est plus sale. On change les couleurs qu'on veut, en fait, ils sont quand même bien organisés, ils construisent, ils cultivent, ils font de l'élevage et tout ça. Alors eux, ils veulent discuter. Ils disent, voilà, non, on ne vient pas pour vous dire, faites pas ça, vous faites ceci, faites cela. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc on rejoint cette idée, on rejoint ce discours des individualistes, je pense que la communauté aussi. Les copines là, je suis allé les voir à Aix, à la fac de sciences. Okay. Et bon, c'est une trentaine. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens. Comme ça, j'ai rencontré Bruno Manser, qui avait vécu avec les Indiens Pénins. Ils sont des petits hommes. Le plus grand doit faire 1m50. Ils vivent dans la jungle de Bornéo. Et qui a vécu très longtemps avec eux, et qui a appris toute leur méthode de vie, et qui eux aussi ont le même discours. Alors que eux, ils n'ont pas l'Internet, ils ne s'envoient pas des messages entre les chefs, la quota, les copies et tout. Et les Fénons, ils ont le même discours, ils disent... Mais c'est général, ça. Voilà, ouais. Toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs disent la même chose, ce qui est extraordinaire. Et même les Indiennes d'Amérique du Nord, tu retrouves les Dakota, le texte du même style. Ouais, on dirait... alors que, bon, ben, ils ne peuvent pas s'envoyer... En réalité, ce sont les derniers descendants de l'époque, justement, paléolithique. Continuer à vivre, parce que la différence entre un chasseur-cueilleur et un homme moderne, si je puis dire, c'est que le chasseur-cueilleur, il exploite son milieu sans le surexploiter. Il faut, par exemple, ils ont un circuit, ils font en un an un circuit, et les femmes ramassent les poissons et les baies, les fruits, et puis les hommes vont chasser. Mais au bout de 8 jours, il n'y a plus de chasse possible, et les fruits ont été ramassés autour. Donc ils sont obligés de repartir, et tous les 8-15 jours, ils changent de coin. Et ils ont un circuit qui est gigantesque, et donc ils exploitent extensivement la nature. Alors qu'à partir de l'agriculture, c'est-à-dire 10 000 ans, on exploite intensivement la nature. Tant que le système a marché, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de monde, ça marchait, c'était formidable, ça marchait toujours. Puis maintenant, clac, on arrive au bout. Et c'est là que le problème se pose. Et ces gens-là sont les derniers descendants vivants de cette époque. Donc ça prouve que ça existait et que ça a marché. Mais ils sont bientôt disparus, ils sont en train de les pygmées, il n'y en a quasiment plus. Moi, ceux avec lesquels j'ai vécu sont maintenant truffés de maladies et sédentarisés. Oui, parce que j'ai vu qu'ils leur ont interdit de chasser les éléphants. Oui, voilà. Alors qu'il y avait la méthode qu'ils avaient, de toute façon, c'est pas eux qui allaient exterminer. Plus, ils chassaient pas à la carabine, les gars, ils chassaient à la lance. Le gars qui parlait, c'est-à-dire qui s'appelait chef, mais qui en réalité, n'est pas le chef. C'était celui qui parle pour les autres. C'est-à-dire que s'il parlait pas, il représentait pas vraiment la pensée des autres, plus personne s'occupait de lui, il n'était plus le chef. Vous comprenez, l'anarchie, il est derrière. Hein. Ouais. Chez les Fénons, c'est pareil, le chef. Voilà. C'est pour ça que je dis comme. C'est porte-parole, en fait. Voilà. En réalité, il n'est que l'expression du groupe. Si quand Chirac dit un truc, ou n'importe quel président de la République, d'ailleurs, il dit ce qu'il a envie, c'est-à-dire ce que la société, la classe précédente pense. Alors que là, tout le monde est d'accord, et s'il n'exprime pas la pensée des autres, il est mis de côté. Donc vous rendez compte, c'est pour ça que moi je dis qu'anarchisme a existé, mais il n'est pas devant, il est derrière. Donc, on va s'arrêter. Je voulais poser une question. Je ne crois pas dans la soupe de la République parce que je suis issue de la classe ouvrière. Si j'étais éduquée, c'est bien parce que dans la République, si j'ai développé mon esprit critique, justement, madame, c'est grâce à l'éducation au sein de la République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais dire par rapport aux manifestations, et ça, c'est pour répondre à ça, à votre définition, je vais vous donner des anglais qui ont fait une étude scientifique. Il faut que les gens qui font des manifestations sont en bien meilleure santé que les gens qui n'en font pas. Donc il faut continuer à faire des manifestations. Hein? Ça voilà. Enfin, pour revenir aux expériences de petits groupes comme ça qui vivent en autarcie, j'en ai fait deux expériences de autarcie qui bougent. Et ensuite, 7 ans qui bossent, et ensuite j'ai vécu dans une communauté dans les Alpes de Haute-Provence où on faisait de l'agriculture biologique, etc. etc. La problématique par rapport à ces expériences, c'est qu'elles sont fermées sur elles-mêmes et qu'elles ne peuvent pas s'appliquer, effectivement, comme vous l'avez relevé, à toute la société. Donc ma question, c'était de savoir, et là je reviens toujours donc à ce qu'a dit Edgar Morin, justement, lui, la personne en tant que, si vous voulez, il la pose sous trois aspects. En tant qu'individu, pour se développer, développer sa personnalité. En tant que citoyen, pour se développer au sein de la société. et en tant que faisant partie d'une planète qui l'appelle la Terre patrie, et donc lui concilie les trois aspects de la personnalité de la personne, et je pense qu'il y a là peut-être un espoir, si vous voulez, entre l'individualiste fortuné que certains développent, que certains anarchistes ont effectivement développé, mais je pense que dans le chevaux, même chez les anarchistes individualistes, il y avait toujours en arrière-pensée le, on va dire, qu'on appelle le bien commun, enfin si vous voulez, hein, l'humanité. Hein, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, justement, parce qu'ils ont toujours visé, pas simplement le bien de leur petit, enfin, de leur petite personne, mais toujours, toujours, toujours, ils se plaçaient au sein de l'humanité, et pas simplement de l'humanité, effectivement, républicaine, on va dire, ou nationale, si vous voulez, mais au sein de l'humanité universelle. Hein, ça, je pense que c'est important. Enfin, ma question, c'était par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez, parce que vous êtes tellement pessimiste. J'ai horreur de terminer des trucs sur des choses pessimistes, hein, mais, je veux dire, bon, c'est le pessimisme, si vous voulez, ça va dans le sens quand on est pessimiste, on finit par rejoindre les courants qui prônent la violence des soucis, qui prônent le fascisme, qui prônent le totalitarisme. Par évidence, c'est, si vous voulez, peut-être pas à votre niveau, vous, parce que vous avez des possibilités de réflexion, de recul et d'esprit critique. Mais chez d'autres personnes, ça peut induire, et c'est là que c'est dangereux, il faut faire très attention, un état de résignation qui, comme vous dites, nous mène justement droit dans le mur. Écoute, on avait dit avec Carl, on arrête, dans 3 minutes, je vais terminer, voilà, on va vous remercier. Oui, non, en fait, disons que vous avez raison de dire, de manière, moi, j'ai ma position, c'est-à-dire qu'il faut aménager un monde qui est difficilement vivable le mieux possible. Je pense que l'anarchisme, c'est pas l'avenir de la société, c'est le passé de la société, c'est-à-dire que c'est le souvenir de l'époque où on était chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire en réalité, quand la société n'était pas pathologique, mais saine. Hein? C'est-à-dire qu'en réalité, il faut essayer, mais on vit dans une société pathologique. Donc il faut s'adapter à la situation. C'est ça mon message positif, optimiste. Et à partir de là, ben moi j'ai essayé de l'appliquer à ma vie tous les jours. Quand j'étais ici, que je militais à la Bourse du Travail à Marseille, bon, je me suis dit d'abord l'individualisme, mais l'individualisme, pourquoi est-ce qu'il y a des blocages, je voyais bien qu'il y avait des problèmes, pourquoi, quelles sont les racines, enfin j'ai essayé de comprendre, je me suis dit, bon, si je suis obligé de me payer mes études, je me suis dit, dans la mesure où je suis contre l'État, je vais me faire payer toutes mes recherches par l'État, et donc, mais je ne vais pas travailler là-dessus, parce que sinon je me ferais des mains qui est, enfin, comme ça fait des reclus, moi j'ai dit, je travaille sur les animaux. Et on m'a payé, je pense pas avoir volé même la CNRS de l'État, j'ai travaillé beaucoup sur les animaux, mais j'ai toujours gardé, de la même manière en tant que scientifique et d'ancien citoyen, j'ai été un biologiste qui n'oublie pas que l'homme est un animal, du moins, est un être vivant comme les autres. Et donc j'ai essayé d'intégrer dans toute ma carrière, j'ai essayé toujours de comprendre comment l'homme se situait là-dedans. Et donc j'ai essayé de répondre à la question de base de départ, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, à cette situation invraisemblable. Et donc, pendant 40 ans, j'ai fait mon travail, des publications sur comment les manchots se reproduisent, etc. Et puis, parallèlement, j'ai cherché à réfléchir là-dessus. Et je pense que j'ai à peu près trouvé des solutions. Manque de bol, c'est que mon explication n'a pas d'application directe, c'est même une négation de l'avenir. Mais par contre, je pense que dans l'enfer dans lequel nous vivons, il y a des moyens de s'adapter, c'est-à-dire que moi par exemple, à mon échelle, je suis payé pour faire des trucs qui m'intéressent, là je viens de rentrer de l'Inde, je n'ai pas fait seulement mon boulot, j'ai visité en même temps, les animaux ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai appris énormément sur les questions que je me posais quand j'avais 17 ans ici, donc j'estime que j'ai des relations encore avec des gens d'ici, que j'ai fréquenté, je suis en bonne relation, et donc j'essaie de reconstituer ma tribu, si vous voulez, de vivre comme un chasseur-cueilleur dans le monde de la productivité. Parce que je sais, dans la mesure, et ça c'est un message de l'individualisme anarchiste, c'est qu'on ne peut pas changer la société, c'est utopique, mais par contre on peut changer son monde à soi, c'est-à-dire autour de soi, et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà énorme. Si tout le monde faisait ça, ça serait déjà énorme, vous vous rendez compte? Et à mon avis, le danger, alors bon, là vous n'êtes pas d'accord, moi, c'est la révolution, bon, etc., moi je pense que ça fait perdre beaucoup d'énergie. Si ceci dit, je ne critique pas les gens qui militent, mais je pense que ce sont des impasses. Par contre, il est bien, moi j'estime que tous les gens qui font quelque chose ont le droit et le mérite de le faire, et que donc il faut les respecter. Et que toute tentative de sortir de ce merdier est utile. Voilà, ben on va rester là. On va rester là, et puis si vous voulez encore, s'il y en a encore quelques minutes avant le départ.